Allez, il est 7h sur Fadjet, 7h04. Fred de Multitube nous a bouffé un petit peu de notre temps. C'est pas grave, c'est 94.2, service compris. 94.2, service compris, l'émission qui vous réveille sur Fadjet. Alors oui, c'est l'émission qui vous réveille sur Fadjet. On le rappelle, c'est les 30 ans. Nous sommes à la 22e heure, hein, les amis. Donc, en l'année 2007, hein, une heure, une année. On balaye ça depuis hier, 9h, si je ne m'abuse. Et donc, on fait une matinale spéciale ce matin. Une matinale hashtag 30 ans. Voilà, on parle comme ça. On parle en réseaux sociaux aujourd'hui. Et autour de cette table, eh bien, il y a ceux qui font la matinale tout au long de cette année, de cette saison régulière. Donc, finalement, il y a peut-être un membre de chaque jour. On a Magali qui sera là avec nous et qui est là avec nous ce matin. Oui, bonjour tout le monde. Ça va? Alors on va essayer de mettre la même pêche que eux avant, sauf que nous on a dormi. Ouais, hein. Nous on vient de se réveiller. Ça va être dur, hein, ça va enchaîner là. C'est vrai, ça va être un petit peu dur d'enchaîner. Donc toi tu fais la matinale du vendredi. Tout à fait. Il y a aussi Mona. Bonjour. Bonjour Mona qui elle est le jeudi en particulier. Non, le mercredi. Ah oui, mais c'est vrai que je t'ai changé chaque année. On a pas parlé de changer. Il y a Florian qui était aussi en stage cette année. Oui. Qui vient nous faire un petit coucou. Bonjour ce matin. Tous. Bonjour à toi, Florian. Et aussi Chloé, qui elle fait la matinale du mardi. Et ouais. Et ouais. Et il y a notre invitée aussi du jour, qui est Hélène Boulanger. Bonjour à vous. Bonjour. On en parlera un petit peu plus en détail de votre parcours, de votre fonction au sein de la radio. Mais alors, on va commencer tout de suite avec, normalement, il y a un petit jingle. Je crois qu'on l'a passé à peu près 176 fois depuis le début, ce jingle. C'est celui-ci. Il y a toujours du ciel bleu. Fréquence vacances 94.2. Il y a toujours c'est pas du mal. Soleil en FM. Il y a toujours du soleil en FM. Voilà, ça c'est les jingles. Donc ça c'est le jingle d'époque. Par contre, je ne sais pas de quelle année il date précisément. Il est marqué 1985-90. Donc c'est dans cette zone-là, vous voyez. On n'était peut-être pas en son aussi bon que la qualité qu'on a aujourd'hui. Et donc il y avait aussi cette année-là, il y avait des événements particuliers en 2007. Alors, vous m'excuserez parce que comme je prends le micro à l'instant, faut que je fasse un petit peu le ménage, hein, on est aux commandes en même temps. Donc, hop, je cherche jingle de l'éphéméride. C'est l'éphéméride. Alors, chaque jour, en fait, dans la matinale, pour vous expliquer, tout simplement, il y a des chroniques qui reviennent. Donc, l'éphéméride, les informations, c'est le point d'orgue un peu de la matinale. Ah non! J'allais faire une erreur. On va commencer tout de suite avec toi, Magali, aux informations. Bonjour à toi. Et on commence tout de suite avec les infos régionales et les obsèques de Marie Mosser, la jeune Nancéenne de 24 ans tuée au Bataclan lors des attentats terroristes, seront célébrées lundi à 10h à la basilique du Sacré-Cœur à Nancy. La jeune fille s'était installée à Paris après ses études dans la cité ducale, notamment au lycée Poincaré et au conservatoire de musique. Spécialisée en marketing digital, elle avait intégré le label Mercury Music Group. Elle venait de passer un an en contrat d'alternance au sein d'Universal Music qui a perdu deux autres collaborateurs au Bataclan. Le portrait de la jeune femme a fait le tour du monde. Les hommages ne se comptent plus sur les réseaux sociaux où elle symbolise une jeunesse fauchée par son enthousiasme dans la vie. Et puis Salah Abdeslam, terroriste présumé suspecté d'avoir mitraillé café et restaurant parisien, aurait été reconnu hier dans un rayon de l'hypermarché d'Auchan du boulevard Lobo à Nancy, à quelques centaines de mètres seulement de l'hôtel de police. Un intervenant extérieur à l'enseigne a cru le reconnaître et a alerté immédiatement la police. Dans la foulée de son appel téléphonique, au moins 30 policiers lourdement équipés et armés déboulaient dans la grande surface. Toutes les issues sécurisées et l'entrée interdite au public. Auchan a enfin pu être évacué en douceur autour de midi, tandis que l'ensemble des locaux était évacué et puis passé au peigne fin. À 14h15, Auchan Lobo accueillait à nouveau ses clients. La police va s'attacher maintenant à décortiquer l'enregistrement même. Même si un premier visionnage à chaud a permis d'infirmer la présence d'Abdeslam, reste que le client susceptible de lui ressembler n'a pas encore été identifié. Lundi matin, la présence du terroriste avait déjà été signalée dans une boulangerie à Dieulouard. Et puis dans le reste de l'actualité, les otages de l'hôtel Radisson de Bamako ont vécu 9 heures d'angoisse ce vendredi 20 novembre. Une opération opération terroriste a débuté vers 7h du matin quand un groupe armé a fait irruption dans le bâtiment. 140 clients et 30 employés étaient à l'intérieur. L'armée malienne est intervenue vers 10h. Deux terroristes auraient été abattus et 22 otages auraient trouvé la mort. Un bilan encore provisoire. Hier soir, la traque continuait cependant, d'autres complices pouvant encore être à l'intérieur ou certains endroits pouvant être piégés. L'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun, lié à Al-Qaïda. Le groupe djihadiste demandait en échange de la libération des otages de l'hôtel que des combattants ayant été arrêtés ces derniers mois par les forces françaises et par l'armée malienne puissent sortir des prisons de Bamako. Et puis une question se pose en s'en prenant à un hôtel de Bamako dont la clientèle est en majorité étrangère et notamment française. Les terroristes voulaient-ils frapper à nouveau la France ? Depuis 2013, des militaires français traquent les djihadistes dans le nord du Mali. 3000 hommes sont déployés au total. Cette opération sont à succès. La zone de Gao, autrefois sanctuaire islamiste, est aujourd'hui nettoyée. Une centaine de chefs a été capturée ou tuée et des tonnes de munitions ont déjà été saisies. Et puis on termine avec un mot de sport et en natation. Hier, lors de la deuxième journée des championnats de France en petit bassin d'Angers, Mehdi Metella a remporté et conservé son deuxième titre en deux jours en s'imposant sur 100 mètres nage libre, 24 heures après son titre sur 100 mètres papillon. En l'absence de Florent Manaudou qui a refusé de s'aligner sur l'épreuve après sa victoire décevante sur 50 mètres nage libre jeudi, Metella s'est imposé en 46-89. Camille Lacour s'est imposée sans surprise sur 50 mètres d'eau en 23-46. Coralie Balmier est sacrée sur le 800 mètres nage libre avec un chrono de 8-23-76, tandis que Mélanie Hennig a signé un nouveau record de France sur le 50 mètres papillon en signant un temps de 25-20. Merci à toi Magali, on te retrouvera à 7h30 pour le nouveau point information. Ça va de soi en règle générale avec les informations. Il y a la météo qui suit, qui se rafraîchit, je crois. Oui, il va faire froid ce week-end. Hein. Il nous avait annoncé 10 degrés en moins. L'air froid et humide s'engouffrera sur la région aujourd'hui. Le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies et surtout des giboulées qui se mêleront de pluie, de grésille, un peu de grêle et même de neige jusqu'en plaine par certains moments. Une petite couche ne sera pas exclue ce soir sur les premières hauteurs. Et au niveau des températures, eh bien, ce matin, à Nancy, on aura 4 degrés et puis c'est pas mieux cet après-midi avec seulement 5 degrés au plus chaud de la journée. Gros décalage entre hier et aujourd'hui. Il est 7h11, il fait encore nuit ce matin dans les studios. C'est les 30 ans de Fadjet, ça tourne depuis hier 9h. Et donc cette heure-ci, nous allons balayer l'année 2007 qui correspond à la 22e heure de cette belle émission. Et en 2007, eh bien, c'était Britney Spears. Bon, Britney Spears était là depuis un petit moment quand même hein, déjà. Mais surtout ce titre, Gimme More. Voilà, on va s'écouter ça. Alors, je ne sais pas si ça vous plaît, Britney Spears autour de la table. Dans les années 90, c'était trop bien. Dans les années 90, mais elle était trop petite dans les années 90. Non, elle avait quel âge dans les années 90 je ne sais pas. Je sais pas, 10 ans. Elle chantait déjà. Non, je crois qu'elle chantait. Quel âge elle a? C'est pas une chanteuse Disney, Britney Spears. Bon, on va se renseigner parce qu'on est à côté de la plaque. Non, alors pour la génération née dans les années 90, en fait, pardon, comme moi, on écoutait ça dans les années 2000. C'est ça. Britney Spears n'est pas si âgée que ça. Allez, Gimme More, on se retrouve juste après ça. Les 7h12, vous êtes à l'écoute de Service Compris. We'll be right back. unstoppable danger. You're gonna have to remove me. Cause I ain't going nowhere. Britney Spears, Gimme More sur Fadjet. Qui pleut, qui neige, qui vente. Plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto. Fadjet 94.2. C'est toi ma radio. Voilà, c'est toi ma radio. Donc ça, c'était un jingle manifestement de 1982. Vous voyez, hein, c'était pas mal. Le studio ne ressemblait pas à ça. D'ailleurs, c'était pas ici, je crois. Hein. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Elle pourra nous faire part de son expérience avec Hélène Boulanger, qui viendra juste après. Alors, on va balayer toutes les deux années, nous, dans ces deux heures, 2007 et 2008. Et donc là, on va commencer par 2007. L'éphéméride. Alors en 2007, donc vous étiez tous nés autour de cette table, c'est bien. Par contre, tu vois, ceux qui ont commencé hier, c'est un peu plus compliqué. En 2007, il s'est passé des petites choses. Je ne sais pas si vous avez des événements autour de la table dont vous vous rappelez de cette année, comme ça, de mémoire. C'est pas si loin, ça date d'il y a 8 ans. Voilà, ils sont tous dubitatifs, il y a plein de points d'interrogation sur leur tête. Ah, excuse-moi, j'ai pas eu. J'étais une adolescente chiante, donc je. Donc j'ai là, pas envie de te donc répondre. Déjà pour toi, te lever le matin, c'est un événement. Voilà. D'accord. Donc Chloé qui se levait le matin. Bon, non, il y avait aussi d'autres choses un peu plus importantes que ton lever. Hein. Ah, j'entrais au lycée, je crois. En 2007, t'entrais au lycée ? Bah, il me semble. C'est j'avais quel âge ? Bah, non, t'as. Mais elle sait même. Mais, non, mais c'est pas lycée, possible. Ça. Mais comment tu saches quel âge t'avais ? T'as quel âge ? Alors, j'ai 24 ans, je suis en 1991. 2007, moi, 1991. 2007, t'avais 16 ans. Eh ben, ah non, j'entre en première alors. Je suis en 2007, j'avais déjà 27 ans, moi. Bon, puis bon, on va s'arrêter là. Allez. Non, bah. Il faut signaler que dans le studio, on s'est tous retournés vers toi avec une petite sensation de pitié. Ou non, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Alors, le 1er janvier 2007, l'Europe des 25 est devenue l'Europe des 27. Hein, la Bulgarie et la Roumanie ont fait leur entrée dans l'Union européenne. Depuis le 1er février 2007, en France, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Depuis 2007 ? Oui. Ah ouais. C'est n'importe quoi, je crois, ça, non ? Je sais pas, parce que j'ai fait faire par. Je pensais que c'était plus récent. Je l'ai fait faire par le stagiaire d'hier, donc on pourra le tabasser s'il vient tout à l'heure. Incapable. Mais je pense que c'est plutôt que ça. Ah oui, c'est correct. Hein. C'est correct. C'est vrai, Hélène ? Ouais. Depuis 2007 ? C'est tout ? Pas avant ? Non. Ah non, mais pour moi, c'était plus tard que 2007. Bah oui, donc finalement, c'est tellement récent. Il y a eu aussi la dépénalisation de l'avortement au Portugal. M6 fêtait ses 20 ans. Donc 87-2007, Mika sort son premier album Life in the Cartoon Motion, dont tout de suite Chloé va nous interpréter son premier titre. C'est ta vengeance, c'est ça ouais. Tu te rappelles pas c'est avec cette boîte. Alors je me souviens de Relax, mais. Relax. Oui, c'est ça, c'est parfait. Voilà, c'est ça, c'est ça. François Fillon, lui, est nommé Premier ministre et Nicolas Sarkozy est élu. Président de la République. Bravo Florian, effectivement, en 2007, président de la République. Ah oui, bah c'est bon, on l'a compris. Alors, Raphaël Nadal remporte son troisième Roland-Garros face à Roger Federer, lui le 10 juin de 2007. Teddy Riner devient champion du monde de judo à seulement 18 ans aujourd'hui. Je ne raconte même pas combien de titres, je crois, il a de champion du monde. Les Spice Girls entament leur tournée de retrouvailles. C'était mon premier single, les Spice alors, Girls. Alors ça, c'est en 97, ça, pour le coup. 87, je crois, un truc comme ça. Et alors, il y a bien sûr des décès aussi cette année-là. Il y a eu alors Solveig Dommartin, une actrice française. Marcel Mars. Alors, je vais vous le mimer. Hein. Je mime, vous ne verrez rien dans le studio. Je le fais très bien. Le mime Marcel. Bravo. Mon Dieu, la catastrophe, l'humiliation. Heureusement, personne ne nous voit. Ah oui, si, vous devez nous voir d'ailleurs. Heureusement que c'est de la radio. Je crois filmé de notre côté, mais pas du tien. Oui, c'est ça. Heureusement. Faire n'importe quoi. Je regarde, là, j'ai pas de caméra autour, c'est bon. Donc oui, vous pouvez regarder aussi. Hein, on est en direct sur fadjet.net. Donc oui, le mime Marceau, malheureusement, est décédé en 2007. Jacques Martin aussi, hein, présentateur légendaire de Dimanche Martin. Qui est décédé en 2007. Michel Serrault et malheureusement aussi le jeune Grégory Lemarchal. Vous rappelez Grégory Lemarchal ? Oui. Vous rappelez Grégory Lemarchal. Allez. Mucoviscidose. Ouais. Nous allons nous écouter un petit titre et faire une pause avant bien sûr d'accueillir notre invité du jour. On se retrouve juste après ça. Ça c'est un titre contemporain. Hein. visit my world. Come here and visit my world. Did history shining stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Visit my world, did history shine in stars. Our love is the only way. Don't get lost, cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than the lonely days. It's our time to go. Dance with me one more time. Yael feat. Gabriela Richardson, 100 miles sur Fadjet. C'était ça que je voulais mettre. Fréquence vacances 94.2. Il y a toujours du soleil en FM, branché sur Fadjet. Il y a toujours du soleil, donc ça devait être certainement... t'es l'air passé, bon, une fois, ça suffit. Hein. Et donc ça, c'était certainement un jingle qui était à destination des vacances, fréquences vacances. On passait des vacances ici à Fadjet. Et nous, ça fait 30 heures qu'on passe des vacances, donc on est plutôt bien. Vous êtes à l'écoute de Service Compris, c'est la matinale de Fadjet. Alors, est-ce que vous savez d'ailleurs autour de cette table que le programme que vous animez depuis un an, et parfois plus pour certains, Mike, depuis quelle année ? Moi, c'est ma deuxième année de matinale. D'accord. Mona. La première. Florent, tu es venue en stage. Oui. Et Chloé. Ça fait un mois que je suis là. Voilà. Un mois seulement ? Bon, le temps passe Disney, tellement ouais, vite avec ça. Toi. Ah, oh, le faillot. Et donc, du coup, en fin de compte, savez-vous depuis quelle année Service Compris est en activité ? Je pense que peut-être Hélène, tu le sais, toi ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Presque depuis les débuts ou pas ? Non. Pas non. Forcément depuis les débuts, plus vers les débuts que vers la fin. Oui, ça fait 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Ah bah 25 ans. T'es né en quelle année ? Moi ? Oui. 1991. Voilà, donc l'année d'après. Depuis 1992. J'étais pas né. 94-2, Service Compris. Donc tu vois, tu as beaucoup de gens qui sont venus avant toi faire fonctionner cette émission avec toute leur motivation, leur passion pour la radio. Et donc ça fait finalement, si je ne m'abuse, 23 ans que cette émission est en activité. Et nous, eh bien, nous l'animons avec ferveur tout au long de cette année en espérant que vous passez un bon moment chaque matin. Elle a une particularité aussi, 94-2, Service Compris. C'est une matinale, donc bien sûr, du lundi au vendredi. Alors, il y a eu aussi un samedi, hein, je ne sais plus alors du tout en quelle année, là, c'est de mémoire. Mais on pouvait faire aussi, ils faisaient aussi une matinale un peu raccourcie le samedi. Mais en ce qui nous concerne, la particularité de notre matinale, effectivement, c'est tout simplement d'avoir une équipe différente chaque jour. Ce qui fait que pas moins de 25 bénévoles se relaient tout au long de la semaine pour vous faire vivre des instants parfois dramatiques, mais des choses aussi plus positives, dirons-nous. Et donc, cela tout au long de l'année, avec un format soleil compris, donc ça c'est le format été qui lui est raccourci et donc se déroule de 8h à 9h tout au long du mois de juillet. Eh bien, il est 7h25, nous retrouvons notre invité du jour et notre invité, eh bien, est tout simplement Hélène Boulanger. Alors bonjour Hélène. Merci d'être venue si tôt avec nous ce matin. C'était un petit peu difficile. C'est vrai, c'était difficile ? Oui, oui. Bon, bah, c'est vrai que pour nous aussi, hein, effectivement, vous avez, vous avez certainement eu de 5h à 7h une espèce de surdose d'énergie. Nous, on essaye tant bien que mal, mais parce que c'est ça le problème, c'est quand on dort, on a un petit peu plus de mal après à y mettre. Mais ça va venir tranquillement. Alors Hélène, tout simplement, un invité aujourd'hui. Quel est votre rôle au sein de Fadjet, Hélène ? Alors, je suis membre du conseil d'administration. De, oui. L'association qui supporte l'activité radio. J'en ai été présidente quelques temps et je suis maintenant vice-présidente de, de l'association. Vice-présidente de l'association. Vous êtes arrivée comment à la radio ? Oula, par hasard. Par hasard. En tant qu'animatrice, je suppose ? Je pense que c'était en 2007, l'année dont on parle d'accord. Là, tout de suite en ce moment. Oui. Pas du tout en tant qu'animatrice. J'ai été cooptée par le président de l'époque, qui était Christophe Chevardet, qui m'a dit « Allez, viens voir, on aurait besoin de toi pour participer à la réflexion du conseil d'administration sur le devenir de la radio, sur le projet associatif, etc. » Puisque mon travail consiste à réfléchir sur ce qui se passe au niveau des médias, en gros. D'accord. Voilà. D'accord. Ça s'est vraiment produit totalement par hasard. Ça s'est produit par hasard. Et donc là, vous disiez, vous faisiez une émission ? Du tout. Du tout, du tout, du tout. Du tout. Je suis arrivée dans une radio que je ne connaissais pas, que je n'écoutais pas. Voilà. Ah, non, moi, c'est sincère. Ah bah, bravo, c'est comme ça. Hein. Non, mais je confesse. Et quelles sont, si on veut le savoir, les activités d'un vice-président au sein du conseil d'administration de Fadjet ? Parce qu'il faut le préciser que c'est une association. Oui. Et donc, cette association s'appelle APAVAT. Voilà. Et donc, quelles sont vos fonctions ? Alors, en tant que vice-présidente, aujourd'hui, je n'ai pas de fonction particulière. Je siège simplement en CA et je suis disponible s'il y a besoin d'un soutien ou d'un remplacement, si besoin. Voilà. D'accord. Mais vous participez assez régulièrement aux événements de Fadjet ? Quand je peux, oui. Sinon, on a une réunion de conseil d'administration tous les mois. Une réunion de, voilà, de conseil d'administration. C'est combien de membres, le conseil d'administration de Fadjet ? Ah, la colle, mince. Mince, j'aurais pas dû, c'est une question un peu... Beaucoup ? Non, on est une petite dizaine autour de la table. Petite dizaine, tout le monde est toujours d'accord ou pas ? Non, mais en revanche, on a tous le même souci, qui est celui de garder le projet associatif sur les rails. Alors, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on a parfois des visions un petit peu divergentes, ce sont des temps d'échange qui sont extrêmement précieux. D'accord. Donc, et ça, vous dites, donc c'est une réunion tous les mois. Oui. Tous les mois. Alors, on peut continuer un petit peu l'interview en vous posant tout simplement une question qui serait, si Fadjet était un mot, un simple mot pour vous, en quoi ça consisterait ? Ce qui finalement donnerait l'identité pour vous de Fadjet ? Maison. Maison, c'est ça ? Et parce qu'effectivement, moi aussi, hein, je veux dire, c'est quelque chose, si je veux en rajouter, où on a l'impression, je ne sais pas vous autour de la table, vous pouvez participer, il n'y a pas de souci, quand on vient ici, alors je ne sais pas, je ne suis pas forcément allé dans d'autres radios, hein, en même temps, je ne sais pas comment ça s'y passe, mais ici, on a l'impression, vous avez certainement vu pendant les 22 heures qui nous précédaient, que c'est assez convivial, c'est sympa, on peut y venir même sans forcément vouloir faire de la radio, ce qui est assez exceptionnel, ce que je ne pensais pas du tout au début, c'est pousser les portes d'une radio sans se dire je viens faire de la radio, mais simplement je viens parler à des gens, et donc ça, je ne pensais pas que ça existait. Et Fadjet, c'est plus qu'une radio. Ben voilà, non mais c'est ça. C'est presque une seconde famille. Fadjet, une seconde famille, c'est ça. Oui, c'est ça. On peut y venir sans forcément. C'est pas qu'on n'a pas d'intérêt pour la radio, mais aussi le matin, parfois, bah, certaines personnes viennent nous voir pour faire un petit coucou, même dans la semaine. Des gens qui n'ont plus d'activité non plus. Il y a aussi ça qui est important, c'est qu'on reconnaît aussi le côté maison à Fadjet aux gens qui n'ont plus forcément d'activité ou d'émission ou autre, et puis qui viennent toujours eh bien, faire des petits coucous, nous faire un bonjour dans la maison. Et donc, vous avez certainement eu, Hélène, des souvenirs ici, depuis 2007. Une multitude. Une multitude. Multitude, c'était juste avant. Donc on l'arrête, on ne le fait pas revenir. Dès qu'il y a son mot, il revient lui, hein, il s'en fout. C'était Fred. Donc un souvenir dans la maison. Alors, je pense que Fred, là, il doit avoir la tête dans le sachet de croissant, doit être tranquille pendant quelques temps. Oui. En fait, j'ai réfléchi à quel souvenir je pouvais évoquer ce matin, et j'en ai pas trouvé un qui émerge en fait. C'est plus un ressenti général qui correspond au mot que j'ai évoqué tout à l'heure, la question de la maison. Pour moi, Fadjet, à chaque fois que j'y vais, c'est un espace qui s'ouvre dans le reste de ma vie en fait. C'est d'accord. Ça fait comme une espèce de parenthèse. On arrive dans un lieu qui est chaleureux avec des gens qui ont envie de discuter, d'échanger, de partager, qui sont rassemblés autour du projet radio. Mais il y a beaucoup plus que ce projet radio qui habite la maison Fadjet. Et donc mon ressenti par rapport à mon expérience à Fadjet, c'est une succession de souvenirs qui sont positifs et qui sont faits de rencontres. Alors ça se passe à l'occasion des événements de Fadjet, des réunions de travail du conseil d'administration ou d'autres micro-événements parallèles, mais c'est toujours un temps suspendu dans le courant de la vie qui est toujours un petit peu sur un rythme rapide et effréné. À Fadjet, ça se pose et ça se fait dans une ambiance qui est vraiment extrêmement chaleureuse. Du coup, dans votre vie personnelle, vous arrivez à vous aménager du temps pour venir, pour participer, même si c'est peut-être aussi compliqué? Non, j'ai beaucoup de mal à le faire, oui. Mais à chaque fois que je peux le faire, c'est comme si je venais prendre un shoot de vitamines. C'est vrai? Oui, ça marche pas mal. Ouais. Donc finalement, ça fait du bien. Ouais. Alors, on va terminer avec cette question-là qui a été posée à tous les invités depuis le début. Bon, vous êtes là un peu récemment, c'est pas non plus. Est-ce que vous pensiez tout simplement que Fadjet, alors pour vous c'est depuis 2007, donc ouais. Est-ce que, alors on va peut-être se projeter plus loin, est-ce que Fadjet pour vous peut continuer au-delà de 30 ans, 40, 50, etc., etc., etc. Oula. Est-ce qu'avec la conjoncture actuelle, avec, je sais pas, hein, l'époque dans laquelle on vit, est-ce qu'une maison telle que Fadjet, une maison d'accueil, une radio, ça a sa place? Peut-être plus qu'avant, moins, je sais pas. Ouais, pour ceux qui ont participé à la création de la radio, je comprends tout à fait que ça ait pu être difficile pour eux d'imaginer à l'époque que la radio allait durer pendant 30 ans, parce que c'était des projets qui avaient un caractère quand même assez éphémère à l'époque, et beaucoup de radios libres ou associatives qui sont nées à cette époque dans les parages, il y en a quand même pas mal qui ont disparu. Aujourd'hui, Radio Fadjet, c'est une radio qui est installée dans le paysage médiatique lorrain, de mon point de vue. Je suis assez confiante dans l'avenir et j'imagine très bien qu'elle va pouvoir fêter ses 35, c'est parce qu'on les fait tous les 5 ans. Bah c'est ça, oui, oui, c'est ça, oui, en fait. Tous les 10 ans, ça prend trop de temps. Ça prend trop. Tous les 5 ans, c'est 35, 40, 45, 50 ans. Sans vraiment beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de gens qui supportent ce projet associatif et qui feront tout pour qu'il continue à exister. Et à chaque fois qu'on s'interroge au sein du conseil d'administration sur ce qui se passe en fait autour de nous dans la société, tout simplement, on en conclut que il faut faire évoluer le projet en symbiose avec la société dans laquelle on est inséré. Et ce projet, plus le temps passe, plus on trouve qu'il est nécessaire, indispensable. Cet espace-là, cette parenthèse en fait, hein, que j'évoquais tout à l'heure, elle a une fonction à jouer aujourd'hui qui est encore plus indispensable qu'avant. Alors, bon, cela étant posé, il y a quand même des enjeux devant nous d'évolution du, oui, média radio, probablement, mais on s'y prépare, ça fait longtemps qu'on y réfléchit. Parler de la radio numérique terrestre, entre autres, et plein d'autres choses. Le serpent de mer de la radio, oui, voilà. Sur la radio numérique, mais c'est aussi l'évolution des usages, l'écoute en ligne notamment, oui, qui interroge, parce que la radio existe toujours, mais on sent bien que la façon d'écouter la radio va potentiellement évoluer de manière assez importante. Donc voilà les questions qu'on se pose et auxquelles on essaie d'apporter des réponses en prévoyant en mettant Fadjet en situation de pouvoir répondre à ces enjeux-là et de conserver son rôle de maison. D'accord. Parce que c'est quand même là que se trouve l'essentiel. Effectivement, et ce sera d'ailleurs le mot de conclusion. On vous retrouve dans 5 ans? Je n'en reviens déjà pas moi-même des temps de 2015. Alors... Non, mais moi, c'est comme ça, je me projette. Hein. Et puis, même plus loin, on s'en fout, hein, dans 15 ans. Effectivement, parce qu'on le souhaite que cette radio se poursuive avec cette même mission, cette même envie, cette même passion. Merci, Hélène Boulanger, d'être venue ce matin avec nous. De rien, merci. Ça va, ça s'est bien passé. J'espère qu'ils ont laissé un petit peu de café en bas ou quelque chose qui peut vous substanter. Je les ai déjà terrorisés avant, donc je pense que c'est bon. Ah bon, d'accord. Merci à vous. On poursuit l'émission. C'était donc Hélène Boulanger, la vice-présidente de l'association donc APAVAT Fadjet. À bientôt. Sur les ondes. Alors, il est 7h35 minutes. Je poursuis très rapidement. Voyez, on nous a bouffé un petit peu de temps. Je voulais aussi vous dire qu'en 2007, il y avait cette émission qui Nessé, sur Fadjet. La République tchèque est au cœur de l'Europe centrale. Le gouvernement turc censure les réseaux sociaux. L'Europe soutient la lutte contre la mafia. Europe is not our future. Commonwealth and free trade is our future. Flüchtlinge aufnehmen ist das einzige dezente, was wir in dieser Situation tun können. Besoin d'aide? Europe & Roll décrypte l'Europe et son actualité tous les dimanches à midi, rediffusion le lundi à 18h et le mardi à 13h sur Fadjet. Qui a reconnu la langue de la jeune femme au début? C'est pareil, j'ai que des points d'interrogation autour de la table. Hein, vous vous rappelez? Non, regardez, je vous refais un petit échantillon. Česká republika má 10,5 milionu obyvatel. La République voilà. Tchèque est au cœur de... Bah c'est tchèque. Bon oui, mais non, c'est parce que j'ai pas arrêté avant, c'est vrai, t'as raison. C'était ça. Non, t'aurais dit autre chose toi, Florian? Non, pas du tout. C'est République tchèque, c'est vrai. Il faut le dire. Donc, c'est une émission d'étudiants, Europe & Roll, qui est encore, bien sûr, en activité sur les ondes de Fadjet. Il y a aussi une star qui est venue nous faire un petit coucou, pas venue nous faire un petit coucou, mais qui était ici sur Nancy en 2007. Eh bien, c'est le moment d'écouter tout simplement cette interview. C'est l'interview de Renaud. Depuis 1985, un lieu unique d'accueil, d'écoute et d'expression pour et avec des jeunes. Ils sont tous passés au micro de Fadjet. De l'abbé Pierre à Antoine Decaune, de Jean d'Ormesson à Lilian de The Voice, ils sont le symbole de la diversité des programmes de Fadjet. Tout de suite, un morceau choisi juste pour vous. En 2007, au cours d'une émission télé délocalisée, Renaud était à Nancy. On en a profité pour lui demander à cette époque s'il connaissait bien la ville. Je suis venu des dizaines de fois en tournée dans la région, quelques fois en touriste aussi pour voir des amis qui habitent pas loin. Et puis j'adore cette ville, j'adore la place Stanislas bien sûr. J'ai même un pavé de l'ancienne place Stanislas qu'on m'a offert, qui a été acheté à l'époque où ils étaient vendus au profit d'une belle œuvre. Je me souviens plus laquelle, mais voilà, il trône dans mon bureau. Des fois, je fais croire que c'est un pavé du boulevard Saint-Michel de mai 68, mais c'est un pavé de la place Stanislas. Mais cela dit, les nouveaux sont magnifiques aussi. Il nous manque quand même Renaud, donc qui était venu nous faire, qui était venu à faire un petit coucou à la ville hein, de Nancy, bien évidemment. Et donc, il avait été interviewé à ce moment-là, et c'était en 2007. 94 de service compris, la matinale de Fadjet. Allez, il est 7h37. Une autre personne est venue dans les studios ce matin, c'est Nico. Nico, toi, tu étais là pendant cette nuit? Alors, Nico n'est pas là, mais Swan. Swan, excuse-moi, oui. Tu étais là cette nuit? Une double personne. Oui, c'est ça. Non, j'étais pas là cette nuit, enfin, j'étais jusque 22h à peu près. D'accord, jusque 22h. Donc, on a. Donc, tu es sur la matinale du mardi. Du mardi avec Chloé. Présente. Et donc, présente. Toi, tu nous balayeras finalement l'année 85 en musique. Ouais. Bah pour l'instant, on va faire l'année 2015 en musique. On fait une pause avec Taylor Swift, Wildest Dreams. Pourquoi je prends toujours des titres en anglais? J'arrive même pas à les prononcer. Allez, il est 7h38. Vous êtes à l'écoute de Service Compris. Spécial samedi, spécial 30 ans. No one has to know what we do. His hands are in my hair, his clothes are in my room, and his voice is a familiar sound. Nothing lasts forever. sunset, babe. Red lips and rosy cheeks. Say you'll see me again, even if it's just pretend. Taylor Swift, Wild Stream. Fadjet, 6h minuit. On parie qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Il n'est absolument pas 6h minuit, hein, mais c'est parce que j'avais envie d'entendre celui-ci. Donc ça, c'est un jingle qui a été mis en activité entre 95 et 2000. C'était pour dire que quelque chose nous passionne. Voilà. Voilà, j'ai l'impression d'être seul au monde. Mais vous savez, quand j'ai l'impression de faire. C'est quoi quelque chose en qui fait, nous passionne? En fait, c'est toi qui nous passionne. On est médusé par tes paroles. Poirier, place Stanislas, et personne ne me regarde. C'est horrible. C'est horrible. Non, allez, on poursuit cette émission. Vous êtes à l'écoute de 94 de Service Compris. Je n'ai de cesse de le dire, c'est la matinale de Fadjet. D'ailleurs, on n'a pas de photos, nous, à mettre en activité, en action sur notre Facebook depuis ce matin. Il faut que j'arrête avec ce mot, j'arrête pas de l'utiliser. À mettre sur la page Facebook de l'émission. On a une page Facebook, 94 de Service Compris. N'hésitez pas à la consulter et à l'aimer. Comme ça, tout au long de cette saison, vous aurez des informations sur nos invités, nos chroniques en tout genre, nos chroniqueurs, nos animateurs. On essaye de la faire vivre un maximum. Il est 7h42, c'est le moment de retrouver Chloé. Et Chloé, eh bien, toi, c'est une rubrique qui concerne quoi précisément? Qui concerne le cinéma, et plus exactement les 30 dernières années de cinéma. D'accord. Alors, faut pas exagérer, hein, en 30 ans de cinéma, ça veut dire plus de 16 000 films. Hein. Je vais pas tous vous les faire les uns après les autres. C'est vrai que c'est un peu long. J'ai fait un petit panel, et comme il est 7h43 exactement et que j'ai pas envie de tout faire toute seule, c'est vous qui allez travailler en fait. C'est un quiz. C'est exactement ça. C'est dommage, ça. On aurait pu mettre un buzzer quand c'était faux. Je vais avoir un buzzer. Alors, je vous propose de hurler quand vous avez la réponse. Non ? Non ? Oui, ou alors. Ouais. Oui, oui. Puis moi, je vais juste te mettre. Par exemple, si c'est faux, ça sera ça. Voilà, c'est tout. C'est bien, hein, c'est agréable. Voilà. Mais alors, parce que le truc s'arrête pas. Donc, je vais dire. Mais allez-y. Alors. On commence par l'année 1985. Oui. Peut-être. Voilà. Retour vers le futur. Oui. Oui, bon, en ce moment, on n'en a pas suffisamment parlé. Non, mais non. Sans ça, de toute façon, j'aurais reconnu, c'est culte. Retour vers le futur. Non, donne ça, Smart. Donc, on a même droit au film en entier. Swan, non, tu le fais pas? Non. Je pourrais. Il y a des passionnés, parce que alors absolument pas moi. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est vrai, mais qu'est-ce qui vous passionne? C'est génial. En fait, il y a plusieurs choses. Enfin, l'histoire en elle-même est sympa, c'est bien fait, c'est assez marrant, c'est plein d'aventures. Et puis maintenant qu'on est en 2015. Oui, c'est marrant. c'est rigolo. Et c'était il y a un mois, jour pour jour, qu'ils sont revenus dans le futur. Ouais, c'était le jour de mon anniversaire. Mais est-ce que c'est surtout autour de ça? Parce que j'avais pas l'impression quand même qu'il y a des passionnés de Star Wars, il y a des passionnés de Retour vers le futur. Mais c'est parce que c'est drôle, c'est très léger, c'est pas de l'humour lourd en fait. Ça fait partie de ces films qui passent tout seul. C'est-à-dire c'est intelligent en même temps, c'est marrant. Ouais. Malin, et puis Marty, c'est vraiment un personnage plein de charisme, le jeune qui fait du skate, qui écoute du rock and roll et tout, on aime bien Marty le héros. Du skate qui vole. Ouais, du coup, effectivement, ça a fait un buzz atomique il y a un mois de cela, parce qu'ils sont arrivés, sont revenus en 2015. On poursuit, Chloé. Avec les années 80, parce qu'il y en a eu plusieurs, et je pense qu'il va pas vous falloir plus de 3 secondes pour deviner le suivant. Ah bah Indiana Jones. Oui, voilà. Je blessais les autres. J'ai presque l'impression d'être une quiche, j'avais pas trouvé pendant les 3 ans. C'est vrai ? Non, parce que le début, non, je pensais pas du tout. Alors, dernier Jet Squeeze, j'étais une quiche, moi, par contre, mais pour les films, je crois que là. Bon, c'est peut-être parce que j'ai décidé les extraits aussi. C'est vrai, c'est ça. Elle a choisi les extraits, elle ne les colle. C'est plus facile, oui. Collez pas. Alors. J'avoue qu'Indiana Jones, j'ai du mal à comprendre l'ensemble de l'histoire parce qu'il y en a tellement que je suis partie dans tous les sens. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer? J'en profite. Il n'y a pas d'ensemble d'histoire, c'est chaque épisode est une histoire. C'est pas une série, c'est pas comme Retour vers le futur, si tu veux. Donc c'est Harrison Ford avec un chapeau de cow-boy, un fouet, et puis il va chasser les nazis. Mais en fait, Indiana Jones, il faut comprendre que c'est un super-héros. C'est-à-dire que d'un côté, il est prof d'archéologie, et quand il commence à mettre son chapeau et son fouet, ça devient Indiana Jones qui peut faire des trucs, absolument. Wow. Mais c'est une allégorie aussi du super-héros, quelque part. Parce que, voilà. Si on m'avait dit que Indiana Jones était si profond. D'accord. Oui, d'accord, mais je te... On a fait chialer le con. C'est pas croyable. On poursuit avec quelle année, Chloé ? 94. Et attention. On va trouver rapidement ou pas ? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Jurassic Park. Non. C'est vrai que c'est 93, Jurassic Park. Le Roi Lion. Je vous ai laissé les petites bêtes au début parce que je trouvais ça rigolo. Oui, c'est vrai. Voilà. Et bon, ça nous a induit en erreur. Exactement. Jurassic Park, il y a des petites bêtes. Un petit peu petite alors. Et pas que les petites. Non, c'est 94 et je n'ai pas besoin de l'expliquer, c'est le Roi Lion, quoi. C'est le Roi Lion. Alors voilà, c'est par exemple, c'est un film qui m'a absolument pas touché. C'est culte pour toutes les... Mais quand Mufasa, il meurt et tout, mais c'est horrible. Oui, mais moi, en 94, j'avais déjà 17 ans, donc... Certes. Moi, j'avais un an. J'avais 3 ans. Et donc, il y a eu des comédies musicales derrière qui fonctionnent, qui cartonnent. Voilà. Ils ont même refait le film, remasterisé, re-blu-ray, redouble blu-ray, blu-ray HD, je sais pas quoi. Ils ont même fait la suite. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a trois. Oui, il y en a trois. Ouais. Après, c'est du Le troisième, c'était l'histoire de Timon et Pumbaa, en fait. Mais le deux, c'est avec les enfants de Simba et Nala. Exactement. Bon, on continue. 94, on passe à 2001. Amélie Poulain. C'est un petit peu trop fort, Swan. Ah ouais, mais Amélie Poulain, là, par contre, c'est culte. Pour moi aussi, c'est vrai que c'est pas. Je trouve que c'est pas un super film, non, mais c'est culte. J'ai pas trop accroché Amélie Poulain. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et Amélie Poulain, vous voyez, par exemple, là, quand l'actualité ou quand le monde est un peu lourd, faut regarder ça. Il est beau ce film. Voilà, et puis Yann Tiersen qui fait la BO, c'est quand même pas n'importe qui. Il y a deux films qui me font cet effet-là. Il y a Amélie Poulain et La gloire de mon père. C'est vrai ? Ouais. Ah ouais. C'est voilà. Et pas le château de ma mère. Eh ben non. Franchement, moins le château de la mère. Ah ouais, ouais, la mère de toute façon. Père, ouais. Voilà. Mais Amélie moi, c'est Poulain, la. C'est vrai. C'est... Par contre, c'est la BO. Moi, j'aime aussi. Ah, Yann Tiersen. Il a fait aussi la BO de Goodbye Lénine. Ouais. Qui est un film que je regardais en cours d'allemand quand j'étais au collège, mais qui est très très bien aussi. Oui, parce que en fait, finalement, au collège, tu fais pas trop attention à ce genre de film. C'est plus après où tu le revois. Mais moi, je me souviens, j'étais en 6e ou en 5e, j'avais vu Goodbye Lénine en allemand, et ça m'avait quand même marqué. C'est vrai. Alors, on est à l'année 2001, nous passons tout simplement à l'année 2009. Je me sens un peu seule, mais j'adore cette musique. Oui, moi aussi, mais ouais, alors par contre, quel film ? C'est un dessin animé avec des ballons. Ah, bah là-haut ? Ouais. Comment ? C'est là-haut. Je l'ai pas vu là-haut. En anglais, ça s'appelle Up. Je ne sais absolument pas qu'est-ce qu'il est beau ce dessin animé. Avec la voix française, le vieux est joué par Aznavour. Charles Aznavour, exactement. J'allais le dire, mais parfait, tout est dit. C'est un film d'animation absolument sublime que ceux qui ne l'ont pas vu, je leur conseille de le regarder tout de suite en sortant de ce studio. Là-haut. Voilà. Bon, bah écoutez, en sortant du studio, je regarderai. Voilà. On continue. C'est ta sélection 2009, on passe à la sélection 2011. Non. Le pianiste, c'était 2007, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça vous dit quelque chose, hein ? Bah, non. Non, pas du tout ? Non. Et si je vous dis François Cluzet ? Omar Sy ? Comment il s'appelle ? Intouchable. C'est la BO de Intouchable, effectivement, qui a fait un carton incroyable au cinéma et qui nous a tous fait pleurer aussi, au passage. Non, pas vous ? Non, moi il m'a pas. J'ai pas trop accroché. En fait, on m'a tellement fait tout un foin autour qu'au final. Ouais, ça arrive. Je suis assez ouais. C'est arrivé. Alors, non, pas dans le foin, même genre, mais avec. Après, le foin, c'est pas fait avant le film. Mais en fait, les gens se sont jetés dessus. J'ai mis du temps à le voir et le temps que je le vois, tout le monde était là, ouais, Intouchable, c'est le film de l'année, blablabla. Ouais. Et au final, Je m'attendais à quelque chose d'autre en fait, tellement on me l'avait vendu. Alors, moi j'ai pleuré les trois premières fois. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on connaît ce qui se passe, donc c'est plus la peine de s'attendre à de la grosse émotion, mais rien que la BO, quand même. Oui, la BO, bah, tu vois, par contre, j'ai jamais connaissance de cette BO-là. Oui, donc du coup, voilà, c'est... j'apprends. Allez, on passe à l'année 2014. 2014, c'est pas 2015 ? 2015, pardon. Alors, voyons. Donc là, c'est complètement actuel. Parents, voilà. Je la famille Bélier. Ouais, oui. Et c'est qui la chanteuse ? Louane. Ouais, qui a une petite nouvelle qui fait plein de tubes en ce moment. Pour le coup, je ne l'ai pas vu. Hein. Moi non plus, mais j'ai pas envie. Et bah, il est très bien aussi. Alors, on en a fait tellement tout un foin que du coup, j'ai plus envie de le voir. Alors moi, on m'en a fait tout un foin. J'y suis allée. La première heure est absolument chiante et ça démarre d'un coup en fait. Il faut juste passer juste la première heure. C'est du diesel quoi. C'est un peu ça, ouais. Non, mais il est vraiment joli comme film. Et alors, je ne sais plus dans quelle émission de télécrochet. Si, ça y est. The Voice. Mais incroyable talent. J'ai regardé il y a quoi, 15 jours. Eh bien, il y avait une jeune femme qui était donc. C'est la fille de sourd-muet. Non, voilà, qui était la fille de sourde et muet et qui chantait, fait. Voilà. Comme dans le film. Sa vie donc était inspirée du film, alors pourquoi pas du tout, mais voilà, c'était exactement la même chose. Elle était là il y a 15 jours dans Incroyable Talent. Voilà, c'était le petit. C'était la chronique de Chloé. Oui. Bon, je peux conclure peut-être. Oui, bien sûr. Je vous donne d'autres titres, mais sans les génériques BO ou autre truc. En 30 ans, il y a quand même eu Full Metal Jacket, Titanic, Skyfall et trois autres James Bond quand même. Le film d'animation de Marjan Satrapi, Persepolis, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, de Alain Chabat, qui est aussi un de mes cultes. Le concert avec Mélanie Laurent ou Grand Torino ou La Cité de la Peur. En 30 ans, on a eu quand même pas mal de films cultes. J'ai presque honte, mais le seul film que je suis allé voir deux fois, vous savez, c'est lequel ? Bon, j'étais jeune. Vas-y, j'étais avoue. Adolescente. Avoue, il n'est pas lui. J'étais adolescente. Oui, ah Titanic. Je l'ai détesté ce film. Vous savez quoi ? Je n'ai jamais vu Titanic. T'as jamais vu ? Moi non. En même temps, plus. Voir moi, un film dont tu connais la fin avant même d'avoir commencé. Tu fais partie des rares parce que là, franchement, c'est au box-office ou au niveau international. Je l'ai vu il y a 3 ans et qu'est-ce qu'il est chiant ce film. Oui, mais alors il y a 3 ans. Je l'ai vu en 3 fois. Non, mais tu sais en quelle année il est sorti ? En 97. À 18 ans. J'avais 4 ans. J'avais 7 ans et ça m'a traumatisé. C'est vrai, tu l'as vu à 7 ans ? Ouais, et pareil, il était tellement long que je l'ai regardé en plusieurs fois aussi avec mes parents, je m'en rappelle. Ouais, il est assez long comme film, mais c'est le seul film que je suis allé voir deux fois. J'ai honte. T'es un romantique. Faut pas avoir honte, t'es un romantique. Je suis sorti, j'ai embrassé tout le monde, c'était complètement fou. J'ai embrassé le pavé, les poteaux, j'ai embrassé tout, quoi. Les bagnoles. Bon, allez, il est 7h53. On va remettre une autre. On va faire une pause musicale avec. Vous connaissez ? Oui. C'est simple. Hein. C'est Caravan Palace, Lone. Alors, on dit Digger ou Digger ? Digger. Lone Digger. Vous êtes à l'écoute de Service Compris. On est ensemble jusqu'à 9h. C'est les 30 ans de Fadjet. Hashtag 30 ans, alors sur Twitter. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de l'émission. On se retrouve juste après ça. Spinning, you feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Sound is ringing. they don't know what they're missing. Legs ain't got time to lay low, your knees are bending, so it's time to get up and let go. Baby, can you move around the rhythm so we can get with the jiggle doll and get us a rock and roll round? Down, down, body, body, coming with a super hottie, let's go. So hello, baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the last days. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the beams when I come upon the scene. Lone Digger ou Digger, je sais toujours pas, mince. Digger. Bon, ok. Qui pleuve, qui neige, qui vente, plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto, Fadjet 94.2, c'est toi ma radio. Vous avez compris ce qu'il disait? C'est dingue. Est-ce que vous avez compris ce qu'il disait? Bon, toi, tu le sais, Nico, parce que je pense que, enfin, Swan, tu l'as entendu cette nuit, mais est-ce que vous avez compris ce qu'il disait? J'ai pas fait gaffe. À pied, à cheval ou à moto. Ouais. Voilà. Vous avez compris? Oui. Bon, bah ok, merci, c'est bon. Flop, c'est bien, quoi. Allez, il est 7h58 minutes, les amis. On est ensemble jusqu'à 9h. Nous en sommes bientôt à la 23e heure de radio non-stop, qui correspond à l'année 2008. On balaye 2007 et 2008 en ce qui nous concerne. C'est 94 de service compris, la matinale de Fadjet, qui est, qui est un programme qui se déroule depuis 1992, ici, sur les ondes de Fadjet. Nous, pour la plupart autour de cette table, bah, c'est un an, deux ans. Non, toi, Swan, c'est depuis quelle année? Je ne sais plus. Oh bah écoute, réfléchis un peu. Il a pu... pas les dates, moi. Non, mais ça fait combien de temps que tu es à la radio, toi? Moi, ça fait 10 ans que je suis à la radio. 10 ans? Parce que je suis arrivé, c'était les 20 ans. C'est arrivé, c'était les 20 ans, d'accord. Et donc, après, tu n'as pas commencé la matinale tout de suite? J'ai pas commencé la matinale tout de suite. J'étais très feignant au départ, je ne voulais pas me lever tôt le matin. Et moi, j'y suis depuis 2010, hein, pour si ça intéresse quelqu'un. Allez, on va faire les pourquoi, et c'est les pourquoi de Mona. Ça. C'est simple comme bonjour. Ça aussi, c'est un bon jingle des années 90. Alors, Mona, tu vas nous. Donc, qu'est-ce qu'un pourquoi d'ailleurs? Tu nous poses une question, on doit répondre. Oui. Pourquoi dit-on que l'argent n'a pas d'odeur? L'argent n'a pas d'odeur? Parce qu'on le lavait. Non. Eh bien, c'est tout ça. Ce proverbe est attribué à l'empereur romain Vespasien. Dans la Rome antique, l'urine était collectée dans les toilettes publiques afin d'être utilisée par les tanneurs pour dégraisser la laine. Vous en frissonnez. Ah, c'est oui. La journée mondiale des toilettes, d'ailleurs, cette semaine. Alors, Vespasien eut l'idée d'établir une taxe sur cette collecte. Je ne sais pas si vous voyez, comme quoi ils avaient déjà des idées lumineuses pour créer des impôts nouveaux. Donc, critiqué par son fils Titus, il lui mit sous le nez des pièces de monnaie en lui demandant s'il était importun. D'accord. Et c'est pourquoi, en mémoire de cette anecdote, les Parisiens au 19e siècle appelèrent leurs toilettes publiques des Vespasiennes. Oh, bah belle information. Belle information. Donc, t'en as encore d'autres? Oh, bien sûr. Alors, garde-en pour tout à l'heure, parce qu'elles nous seront très intéressantes. Donc, l'argent n'a pas d'odeur. Est-ce que l'argent a de l'importance pour vous, là, autour de cette table? Bah, il en faut oui. un petit peu pour oui. manger comme et partir même, en vacances. Si cela, l'argent ne fait pas le bonheur, fait-il le malheur? Voilà. Et ben, on écoutera. D'ailleurs, préparez un petit titre. On a encore une heure ensemble. Préparez un titre que vous avez envie d'écouter dans cette deuxième heure. Et on le mettra à l'antenne. Allez, il est 8h tout pile sur Fadjet. Ans. Joyeux anniversaire. Une nouvelle heure, une nouvelle année. Donc je disais effectivement une nouvelle heure, une nouvelle année, il est 8h et là maintenant on va balayer l'année 2008, mais on commence tout de suite eh bien, avec Mag aux informations. Et on commence tout de suite avec les infos régionales et les obsèques de Marie Mosser, la jeune Nancéenne de 24 ans tuée au Bataclan lors des attentats terroristes, seront célébrées lundi à 10h à la basilique du Sacré-Cœur à Nancy. Marie s'était installée à Paris après ses études dans la cité ducale, notamment au lycée Poincaré et au conservatoire de musique. Spécialisée en marketing digital, elle avait intégré le label Mercury Music Group. Le portrait de la jeune femme a fait le tour du monde. Les hommages ne se comptent plus sur les réseaux sociaux où elle symbolise une jeunesse fauchée pour son enthousiasme dans la vie. Et puis le président des musulmans de Lorraine a prêché hier pour la paix et contre les terroristes à Vendeuvre. C'était à la mosquée Al-Hissane, la mosquée de l'excellence, rue Jean Lamour. Il a revêtu la tunique blanche des imams. Depuis les attentats, il n'y avait pas encore eu de rassemblement des musulmans. Hier, ils ont tous réagi vivement et relayé un appel solennel. Ne vous trompez pas d'ennemis, ils ne sont pas dans les mosquées, mais sur Internet et Facebook. Il faut aussi surveiller les prisons car c'est là qu'ils habillent de religion leur violence apprise dans la délinquance, ont-ils averti. Et puis, dans le reste de l'actualité, selon les derniers éléments de l'enquête, Abdelhamid Abaoud aurait bien participé aux attaques de Paris. Il a été aperçu sur des images des caméras de surveillance de la RATP vendredi 13 novembre, le soir des attaques. Il est repéré en train d'enjamber le portique à 22h14 à la station Croix de Chavaux à Montreuil. Une information qui permet de penser qu'il a bien pris part au commando qui a frappé les terrasses des 10e et 11e arrondissements. D'autant plus que la station se trouve à moins de 300 mètres du lieu où la Seat noire du commando a été retrouvée. Selon les enquêteurs, ce commando est un trio composé des frères Abdeslam et probablement d'Abdelhamid Abaoud. Salah Abdeslam, devenu l'ennemi public numéro 1, est d'ailleurs actuellement toujours recherché. On en sait aussi davantage sur le commando du Stade de France. Deux de ses membres ont été contrôlés en Grèce, mêlés aux migrants. Et puis sachez que malheureusement, le bilan des victimes du 13 novembre est monté hier à 130 morts. Un blessé a succombé à ses blessures par balle. Et puis deux jours après l'assaut du raid dans un appartement de Saint-Denis, on sait qu'il y avait bien trois terroristes à l'intérieur de l'appartement. Trois corps ont finalement été extraits des décombres, dont celui d'Asna Aït Boulassen, la cousine d'Abdelhamid Abaoud, lui aussi retrouvé à l'intérieur. Le cadavre d'un troisième terroriste est en cours d'identification. Ce serait lui et non la jeune femme qui se serait fait exploser au troisième étage de l'immeuble lors de l'assaut du raid. Et puis les Français sont nombreux après les attentats à vouloir rendre hommage aux victimes. Hier, une semaine jour pour jour après le drame, ils ont investi les terrasses, les cafés, les rues de la capitale. À deux pas des lieux des attaques, la vie reprend doucement malgré les visages tendus. Et puis, sachez que après les députés, les sénateurs ont voté massivement en faveur de la prolongation de l'état d'urgence pour 3 mois. Et puis on termine avec un mot de sport en natation. Hier, lors de la deuxième journée des championnats de France en petit bassin à Angers, Mehdi Metella a remporté et conservé son deuxième titre en 2 jours en s'imposant sur 100 mètres nage libre, 24 heures après son titre sur 100 mètres papillon. En l'absence de Florent Manaudou qui a refusé de s'aligner sur l'épreuve après sa victoire décevante sur 50 mètres nage libre jeudi, Metella s'est imposé en 46-89. Camille Lacour s'est imposé sans grande surprise sur 50 mètres d'eau en 23-46. Coralie Balmier est sacrée sur le 800 mètres nage libre avec un chrono de 8 minutes 23 secondes 76 centièmes, tandis que Mélanie Hennig a signé un nouveau record de France sur le 50 mètres papillon en signant un temps de 25 secondes et 20 centièmes. Merci à toi Magali, on te retrouve à 8h30 pour un nouveau Point Info. Mais là c'est la météo. La météo, eh bien, vous avez dû le remarquer, il fait froid. Et puis, ce n'est pas près de s'améliorer. L'air froid et humide s'engouffrera sur la région aujourd'hui. Le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies et surtout des giboulées qui se mêleront de pluie, de grésil, d'un peu de grêle et même de neige jusqu'en plaine par moment. Une petite couche ne sera pas exclue ce soir sur les premières hauteurs. Et au niveau des températures, on a 4 degrés ce matin sur Nancy, Toul ou Lunéville. Et puis au plus chaud de la journée, on n'ira pas plus haut que 5 degrés. Et puis pour le week-end et le début de semaine prochaine, eh bien, encore pas mal de giboulées dimanche, pouvant donner une petite couche au sol ici ou là le matin. Une accalmie se dessinera lundi et mardi dans une ambiance bien froide. Sachez que demain, eh bien, on n'ira pas plus haut que 4 degrés. Et puis lundi, on commence à aborder les températures négatives au matin. Sur Nancy, on aura moins 1 degré dans la matinée et on ira seulement à 3 degrés l'après-midi. Et puis mardi matin, il fera moins 3. Donc attention, il va faire froid. C'est parti, l'hiver est lancé. L'hiver est là. Winter Fadjet, is coming. Aujourd'hui, 30 ans d'ondes solidaires. Vous l'aurez bien compris, 30 ans d'ondes solidaires. On est dans une émission spéciale parce que oui, on est le samedi. Vous vous êtes rendu compte qu'on était samedi quand même autour de la table? Oui. Pas du tout. On est samedi, normalement la matinale ne fonctionne pas le samedi. Et là, exceptionnellement pour les 30 ans de Fadjet que nous fêtons tout au long de cette année 2015, eh bien, il y a aussi 30 heures d'émission qui se déroulait donc hier, qui a commencé hier à 9h et qui se terminera aujourd'hui à 15h. Après, s'en suivra un petit goûter en bas, hein, dans les studios de Fadjet, parce que vous l'aurez aussi compris, on n'a pas pu, avec les événements actuels, se rendre sur le parvis de la cathédrale pour le grand goûter solidaire. Mais n'hésitez pas, du coup, à venir encore nous faire un petit coucou jusque 15h, voire après, ici, dans les studios, au 47 de la rue Charles III. On prendra un café et on mangera du cake. Ouais, vivement. C'est vendeur, hein, les gars, quand comme même. Du cake, quoi, les mecs, quand même. Et mais j'ai pas voulu dire brioche, parce que ça faisait trop snob. J'ai dit cake. Cake. Un cake. Alors, est-ce qu'on a la possibilité, je ne sais pas, je vous interroge comme ça, de balayer un petit peu l'année 2008 ou pas? Est-ce qu'on a quelques dates? Moi, de j'ai cette quelque année chose. Alors, vas-y, dis-nous. C'est parti. Le 9 octobre, Leclésio a eu le prix Nobel de littérature. En 2008. En 2008. Oui. D'accord. Est-ce que tu as d'autres petites choses? Tu m'avais dit des films aussi? En film, il y avait Bienvenue chez les Ch'tis. Ah oui, oui. Ouais, voilà. Ça, ouais. Et c'est le seul qui me revient comme ça. Là. Bon, bah, c'est pas mal, parce que c'est vrai que je te prends en impro comme ça. Il y avait aussi un titre de cette année-là, un titre qui passionne très certainement le spécialiste du rock, qui est Swan. T'as quelque chose, oui, Mag? Oui, moi j'ai de la musique, des événements musicaux. En 2008, c'est la tournée de reformation de Rage Against the Machine. Et puis le 11 février sort Thriller de Michael Jackson. C'est Thriller 25, il s'agit d'une réédition de l'album. Il y a notamment plusieurs collaborations avec les chanteurs Akon, will.i.am, Kanye West et Fergie. Et il y a aussi le groupe de rap Supreme MTM qui se reforme et qui enchaîne 5 concerts à Bercy et puis une tournée dans toute la France. Pour se déformer derrière, parce qu'ils n'ont plus rien fait d'autre après, ils se sont arrêtés derrière. Et il y a un titre, donc je le disais tout à l'heure, qui doit passionner les rockers comme Swan, c'est... ACDC. Non, c'est quelqu'un qui ne veut pas marcher à cette heure-ci, qui est absolument abject avec moi. On va essayer avec ce moment-là. Voilà. Je suis pas certain que ça passionne les rockers. Pourquoi? William Baldé. Il connaît même pas. Tu connais pas? Non, mais c'est vrai que c'était le titre de 2008. C'était c'est un sympa. Rayon de soleil, Swan, s'il te non, plaît. Je sais pas, c'est du rock? Mais oui, regarde. Non, c'est pas du rock, absolument pas. Donc, on peut pas se rouler par terre en faisant de l'air guitare. Quoi. Non, mais bon, ça me donne envie de courir un petit peu dans le sable. Bah, avec ce temps, c'est vrai que ça fait du bien d'écouter ce genre contre, de musique. C'est très reggae, c'est très joyeux. Voilà, donc c'était le titre phare de l'année 2008. William Baldé, Rayon de soleil, on se retrouve juste après ça. Rayon de soleil, sur le sommet de plomb. Sur ton dit cherche le chemin. Je cherche le chemin. Qui cherche le chemin. La voix de Bob Dylan. Knock, knock, knocking on a heaven's door. Un matin suspendu, fleur de ton jardin. Ma main sur ton petit cul, cherche le chemin. Un matin suspendu, fleur de ton jardin. Ma main sur ton petit cul. William Baldé, un rayon de soleil. D'ailleurs, il est météorologue aujourd'hui. Ma vanne est complètement passée à la trappe. J'ai essayé de le faire. C'est pas grave, merci. Qui pleuve, qui neige, qui vente. Plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto. Fadjet 94.2. C'est toi ma radio. Alors, je ne sais pas, depuis 23 heures qu'on doit passer certainement ce jingle. J'ai aussi Thomas qui est avec nous dans les studios, qui fait aussi partie de la matinale, Thomas. Eh oui, salut. Voilà, c'était Thomas. Il a plus de voix. J'ai pris à l'impro comme ça. C'était Thomas aussi qui est aussi membre du CA, qui est venu aussi nous faire un coucou, qui était là de 5h à... De 23h à 7h. De 23h à 7h, t'es absolument pas parti. Et qui nous a rendu maintenant. Il nous a rendu l'antenne 25 minutes plus tard. C'est sympa. Ils étaient lancés, hein. Ah bah oui, ils étaient lancés. Ah oui, ils ont appelé la Terre entière. Hein. Ils ont ah bah réussi oui, à se faire fournir des croissants. J'espère qu'il en reste quelques-uns. Je ne sais pas. Il faut rappeler les boulangeries. Donc on a encore une heure pour rappeler les boulangeries. Vous l'avez entendu, il y avait une petite voix qui a pointé le bout de son nez. Et cette petite voix, c'est la voix de notre chère directrice. Alors Fabienne Marchal, vous êtes avec nous ce matin. Oui, François Barthélémy. Oui, c'est vrai que j'ai envie de vous voir. Je t'en prie. Fabienne, donc c'est pas Fadjet ça. Non, c'est pas. C'est vrai que c'est pas Fadjet. On vous voit quand même les invités en règle générale. Oui. Donc tu es l'invité. On va te tutoyer. Je change de casquette. Voilà, tu es, change de casquette. Tu es avec nous ce matin à 8h13. Eh bien, pour parler, de ta fonction au sein de Fadjet. Quel est ton. Enfin non, d'abord, au-delà de ça, depuis quand es-tu à Fadjet? 28 ans. Non. 28 ans, oui, et tu vois, je ne savais même pas. Ah ouais, non, mais j'explique quand même. Hein. Oui. Donc, tu es venue Je ne suis pas directrice depuis 28 ans. Non. J'ai connu Fadjet il y a 28 ans, 1987. En 1987, tu as poussé donc les portes de Fadjet. Bah, avec quel objectif? On m'y a entraîné, en fait. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Et c'est ça l'originalité, hein. C'est comme plein de gens, j'écoute un peu là, durant ces 30 heures, les gens qui racontent leur arrivée à Fadjet, et c'est souvent le hasard, ou c'est souvent quelque chose qui n'est pas prévu. Et du coup, moi c'est mon voisin de l'époque. Ce que je disais, on y vient souvent par quelqu'un. Moi, j'y suis venu par quelqu'un aussi, et on y vient souvent, c'est un peu ça aussi l'idée. Mm-hmm. Et donc toi, tu es venu par ton voisin. Mon voisin qui avait fait le tour de France en autostop pendant ses vacances. Ah. Et qui racontait, qui avait une émission où il racontait son tour de France avec des anecdotes, des gens qu'il avait rencontrés. Et à un moment donné, il s'est dit, ça pourrait être sympa qu'il y ait quelqu'un avec moi, pour pas que ce soit monotone. Et donc, il m'a demandé, dans le bus, je vois encore très bien, je revenais de la fac, dans le bus, il me dit, je fais de la radio, est-ce que tu veux pas venir avec moi intervenir dans mon émission? Je dis, ça va pas, non, parce que un peu timide. Et il me dit, mais si, tu vas voir, c'est une radio super sympa. Et du coup, j'y suis allée, je me suis laissée entraîner. Donc, ça devait durer une heure, le temps de l'émission. et j'y suis restée. Donc voilà, bénévolement. Au départ, avec... donc en chroniqueuse dans cette émission-là. Voilà. Après tu as fait ta propre émission ? Oui, avec une amie qui s'appelait Invitation au voyage. Donc on faisait découvrir des pays, des villes, voilà, un petit peu inviter les auditeurs à voyager. Donc ta fonction de bénévole a été pendant plusieurs années avant d'y être en tant que salarié ? Alors, exactement. Après, j'ai fait d'autres émissions, dont La Matinale, pendant des années. Ah oui, il faut le savoir aussi. Il faut le savoir. Hein, je me suis levée tôt à un moment aussi. Et puis après, pendant mes études aussi, j'ai eu un mi-temps pour m'occuper des jeunes à l'époque qui étaient en contrat aidé, en CES, dans la maison. Donc, c'était les jeunes qui venaient en contrat aidé ici ? Voilà, exactement. On accueillait des jeunes, souvent au niveau de la technique radio, et c'était des jeunes qui avaient besoin de reprendre un peu confiance, qui étaient souvent un peu isolés, et voilà, et ils étaient carrément salariés dans la maison. Et du coup, mon boulot, c'était un petit peu de les accompagner, pas forcément au niveau de la radio en elle-même, mais de voir quelle formation ils pourraient reprendre, comment voilà, ils pourraient reprendre un parcours un peu professionnel et personnel. Donc ça, j'étais encore étudiante à l'époque. Des études de quoi ? De sociologie. D'accord. Voilà. Et puis donc ensuite, tout en continuant la matinale, j'ai travaillé ailleurs quand même, Cafajet, j'ai fait autre chose. Donc j'ai travaillé à la mission locale pour l'emploi. D'accord. Donc toujours avec cet aspect insertion, rencontre. Et tu continues en parallèle du bénévolat pour Fadjet ? Tout à fait, matinale jusqu'à à peu près les années 2003-2004. D'accord. Voilà, et puis donc après il y a eu un moment où effectivement j'étais plus trop dans la maison. Et j'y suis revenue en 2006 en fait. Ah oui quand même, donc il y a eu une petite pause assez importante. Exactement, bah oui, ça permet aussi de, voilà, quand on part, de se dire qu'il y a des choses super intéressantes. Ça me manquait qui nous manque, quelque voilà, part, c'est hein, ça, voilà, c'est bon, ça. Qui nous manque dans un lieu. Et du coup, en 2006, je suis revenue sur un poste qui s'appelait La Voix de l'Emploi. En fait, voilà, j'avais créé une émission autour de l'emploi où je recevais des gens qui œuvraient dans ce domaine-là, et y compris l'objectif, c'était de faire se rencontrer des jeunes et des soit des entrepreneurs, soit des structures qui travaillaient autour de l'insertion pour permettre à ces jeunes d'avoir une ouverture et pourquoi pas de permettre une rencontre un peu originale, non pas derrière un bureau, mais autour d'une table dans un studio de radio. D'accord. C'était assez intéressant comme concept. D'accord. Et donc, ça t'a fait ça pendant combien de temps ? Alors, pendant 2 ans. 2 ans. Et puis, donc, ensuite, on m'a demandé de prendre la direction de Fadjet. Oui. Donc là, autre fonction, des responsabilités, plus différentes. Autre fonction. Voilà, différentes. Différentes, des responsabilités autres. Oui, tout à fait. Mais... là aussi, dans un lieu que j'aime particulièrement bien, donc dans une ambiance aussi qui correspond à ce que moi j'avais envie de vivre à ce moment-là aussi, hein, une ambiance associative, donc qui change aussi d'autres lieux de travail que j'ai pu connaître. Oui. Et puis voilà, avec cette histoire aussi, c'est-à-dire j'étais pas forcément au tout début. Mais du coup, le projet de Fadjet, quelque part, je l'ai au fond de moi. T'animais. Et je me dis que même avec l'évolution à la fois de la radio, bien sûr, l'évolution de la société, l'évolution des jeunes, des médias, l'essentiel de ce projet, il reste d'être ce lieu justement d'accueil, d'écoute, et pas uniquement un studio de radio. C'est ça, il faut le savoir, parce que tout le monde ne le sait pas, que c'est, on le dit, on le répète dans avec les invités qu'on a eus ce matin, c'est une maison, maison au sens large du terme, on y fait de la radio, on a ce support-là, mais il y a une vraie dimension sociale, humaine, qu'on n'a pas forcément dans toutes les radios, et c'est ce que toi tu essayes de faire perdurer. Je crois que c'est la particularité essentielle de Fadjet, c'est-à-dire ce que les gens retiennent, et là encore une fois on l'entend quand les gens nous en parlent lors d'une interview, même des anciens qui sont revenus à l'occasion de ces 30 ans qui nous disent on n'oublie pas Fadjet, enfin, on a vécu des choses qu'on n'a pas pu revivre ailleurs. Et c'est des lieux qui marquent les gens parce que effectivement c'est une maison, les gens créent vraiment des liens entre eux et il y a une vraie ambiance familiale effectivement dans cette maison qu'on retrouve rarement ailleurs. Il y a d'autres endroits certainement qui font autrement et qui proposent d'autres choses et qui proposent aussi cette ambiance là mais je crois que les jeunes, et pas que les jeunes, ont aujourd'hui particulièrement besoin d'une ambiance comme ça ou d'un lieu où ils peuvent venir venir se poser, juste parler. Enfin voilà, Fadjet, c'est pas uniquement un studio radio, c'est vraiment dans les couloirs de la maison, dans les bureaux, il se passe plein de choses. Hein. On arrive, on vient raconter sa journée avant de passer en studio. S'il y a un souci, ben, on vient un peu le déposer. Il y a plein de gens qui sont à l'écoute dans la maison. Hein, que ce soit les permanents ici, d'autres bénévoles aussi, enfin voilà. C'est ce que j'aime aussi ici, moi, c'est le fait que chacun ne vient pas faire forcément son émission et puis repart, c'est qu'on crée aussi du lien tout au long de l'année par des événements différents pour que les animateurs, les chroniqueurs, enfin autres, tous les gens qui font vivre cette maison puissent se retrouver au sein d'un repas, à Noël, je pense, ou autre. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et si tu pouvais nous donner un mot, tout simplement, sur ce que représente Fadjet pour toi. Alors, je pense que je dirais le mot fraternité. D'accord. Parce que c'est ça, en fait, la fraternité, c'est faire famille avec des gens qui ne sont pas de notre famille. En fait, et je crois que ça correspond vraiment bien à l'esprit de Fadjet, parce que voilà, le mot qui revient aussi, c'est famille. Mais au-delà de la famille, c'est ça. Vraiment, le mot qui correspond le mieux, c'est fraternité, parce qu'on ne se connaît pas au départ. On arrive de tous horizons et puis il y a vraiment un vrai lien solide, humain, qui se crée aussi entre les uns et les autres. Et si on voulait poursuivre un petit peu, un de tes meilleurs souvenirs. Alors ça c'est... voilà, ça c'est toujours très très compliqué. Oui, parce que c'est compliqué de repartir un petit peu en arrière, mais est-ce qu'il y a des moments d'émission, je sais pas, des moments de fou rire, je sais que t'as fait la matinale, alors dans la matinale, pourquoi pas, si on prend le programme que nous on est en train de faire ce matin, est-ce que tu vois une réelle différence, parce que moi j'étais pas là à ce moment-là, dans les équipes ou la façon d'apporter le message aujourd'hui par rapport à il y a quelques années, est-ce qu'on s'y retrouve, est-ce qu'on est pareil, est-ce que... Non, alors certainement, on n'est pas pareil, oui. Ça a évolué. Déjà, le conducteur de la matinale a évolué. Mais je crois que l'esprit reste le même. On sent de la convivialité quand il faut arriver le matin pour animer une émission de radio. Voilà, et qu'il faut se lever régulièrement, c'est pas évident. Non. Et moi, je sais que quand je le faisais, que je retournais travailler et que j'avais encore une journée de boulot derrière, vraiment, je le faisais pas en me disant « purée, demain, il faut que je me lève ». J'étais vraiment contente de ça parce que je savais que j'allais retrouver des gens sympas avec qui on allait passer un bon moment et que c'était souvent une des meilleures journées de la semaine parce que du coup, on avait un certain punch et dynamisme. Et je crois que ça, c'est le cas encore aujourd'hui et c'est ça l'essentiel en fait. Hein, c'est de permettre une ambiance entre les animateurs et une ambiance aussi pour réveiller nos auditeurs. Donc voilà. Alors après, je suis en train de chercher en même temps que je te parle le souvenir. Mais c'est vrai qu'il faut le dire, sur la matinale, c'est pas simple. Comme on le dit, c'est une équipe de 25 bénévoles qui font ça aussi par passion. Tous les matins, on arrive, on sort du lit. Donc se mettre en action lorsqu'on n'est pas professionnel, c'est pas évident. On apprend. Souvent, les gens ont différentes expériences, certains sont là depuis plus longtemps, d'autres arrivent, donc il y a aussi un encadrement au sein de l'équipe, je pense naturellement, ça se fait, c'est de l'humain, voilà, on comprend qu'à côté de nous, y a quelqu'un qui est stressé, parce qu'on est stressé, à partir du moment où on met le micro sous notre bouche, on est stressé, et moi je sais que c'était l'équivalent, en gros, d'une heure de footing. Quand je venais à la matinale, que je faisais ma matinale du mardi au tout début, où je suis venu à Fadjet, j'allais au boulot après, j'avais l'impression d'avoir fait une heure de footing, je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question, mais c'est peut-être ce côté un peu excitant, hein, puis on se met tout de suite en activité et du coup ça permet pour toute la journée d'être en forme. Alors est-ce que tu arrives à avoir un souvenir ou pas? Non, parce que il y en aurait plein comme ça, mais je crois que je reprendrai vraiment mon arrivée à Fadjet, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, comme ça peut marquer peut-être plein de gens, parce que c'était déjà un lieu où il y avait une ambiance que j'avais peut-être pas rencontré dans d'autres endroits jusque-là. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est cet esprit d'accueil, d'ouverture à celui qui arrive ou à celle qui arrive qu'on ne connaît pas, était déjà vraiment présent à l'époque. Et du coup, je crois que c'est ça qui m'a marqué parce que c'est rare des endroits, trop rare, je pense, où les gens se sentent accueillis quand ils arrivent, où il y a une attention. Alors, bien sûr qu'il y a des fois où on ne l'a pas, parce qu'effectivement, une radio, il faut la faire tourner aussi. On n'a pas forcément non plus 2 heures à passer avec les gens. Mais on essaye vraiment, le plus possible, d'avoir cette attention-là quand les gens arrivent. Et je crois que si j'y suis restée, c'est vraiment grâce à ça. C'est pas grâce à... Parce que la radio... d'emblée était un outil qui m'intéressait. C'est pas ça qui m'intéressait, c'était cet esprit où on sentait déjà à l'époque des vraies équipes, des gens qui s'entendaient bien, enfin voilà, qui avaient envie de faire des choses ensemble, qui avaient un vrai projet, une passion. Et voilà, ce souvenir-là, je crois que c'est ça qui a été le moteur de ma durée au sein de l'association, parce que voilà, il y a un vrai esprit. Bah merci Fabienne d'être passée nous voir ce matin. Et merci à vous tous, parce que c'est tous les bénévoles, oui, dont on a parlé, qui font vraiment l'antenne de Fadjet, qui font vivre la radio, et effectivement, on le souligne encore une fois, ce sont des bénévoles, donc ils font autre chose à côté, et malgré ça, on peut proposer à nos auditeurs une programmation diversifiée, variée, et je crois de qualité. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire un peu au quotidien. Voilà. Et Florian, tu voulais dire quelque chose, toi qui étais en stage quelques semaines l'année dernière? Non, pas l'année dernière, mais c'était au mois de mars. C'était au mois de mars, pardon. Et donc je suis passé 2 semaines ici, et donc moi c'est mon meilleur souvenir, parce que c'est la première fois que je fais de la radio. Mais je pense que le meilleur souvenir pour dans Fadjet, pour toi, oui, c'est bien sûr, mais en fait, mais je pense aussi que le meilleur souvenir pour Fabienne, c'est d'avoir fait, enfin d'être là depuis 27, enfin d'avoir connu 27 années de Fadjet. Je pense, hein, c'est un grand souvenir. T'as trouvé un souvenir. C'est un grand souvenir. 27 ans de Fadjet. Mais je pense qu'elle est aussi contente que Fadjet fête ses 30 ans aussi. Je pense. Je suis très contente, et puis que tu sois là aussi avec nous. De venir nous faire un petit coucou, de s'exclamer ce matin pour venir, Florian, qui est venu comme ça naturellement. Il m'a posé la question il y a quelques jours, je peux venir vous voir. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe ici à Fadjet. Et bonne continuation à toi aussi, Florian. Et merci Fabienne d'être venue ce matin. On la retrouve ici, on peut taper à ta porte, venir te voir. Alors là, elle est occupée aussi, faut pas non plus taper toutes les 2 secondes. Hein. Pas trop fort. Pas trop fort. Mais elle est ici, t'es encore ici, j'ai aussi aujourd'hui jusqu'à 15h. Donc n'hésitez plus même, que ça. Donc, et puis surtout, n'hésitez pas à venir nous voir durant ces... Il faut. Ce qui reste, c'est 30h, hein, jusqu'à 15h. La maison est grande ouverte, donc si vous avez envie de rencontrer les équipes, les bénévoles, justement, on vous en parle depuis hier 9h à l'antenne, venez pousser la porte. C'est vraiment le projet de Fadjet. C'est pas... Hésitez, enfin, ne nous écoutez pas uniquement à travers la radio, venez nous rencontrer. Ça sera le dernier mot de Fabienne Marchal, le dernier pour le jour, de la directrice de Fadjet. Allez, on poursuit. D'ailleurs, en 2008, il y a une émission qui naissait sur les ondes de Fadjet, et c'est celle-ci. Vous voulez du speed? Vous voulez du speed? Je vous donne le speed. Vous voulez du speed? Wow, bienvenue chez Swan, c'est tous les mardis de 20h à 21h et c'est aussi très calme. On en profite d'ailleurs parce que Swan est autour de la table. Donc toi, tu as commencé à la radio il y a une dizaine d'années, tu nous le disais. Et donc, pardon, excuse-moi, je t'ai pas mis le micro. Et donc, bienvenue chez Swan, c'est pourquoi? Par une passion du rock, je suppose? Il n'y a pas que ça, non. Il n'y a pas que ça. Chez Swan. En fait, moi, j'ai commencé la radio, pour vite fait le raconter, il y a 10 ans, en faisant une émission de live qui s'appelait Fadjet part en live, où c'était que des concerts. Il y avait des artistes dont je ne trouvais pas les concerts et dont je voulais passer des morceaux. Donc, j'ai fait Bienvenue chez Swan, où on passe de la musique diverse et variée. Tu as eu une petite pause ces derniers temps, dans l'émission que tu as repris cette année, non? Si je ne m'abuse, non? Oui, il y a eu. Ça a évolué. Parce que, ça a évolué. Et donc le format n'est plus le dimanche? Non, ça a été le dimanche, ça a été le mardi très longtemps, ensuite ça a été le dimanche, et maintenant c'est le mercredi. C'est le mercredi de 20h à 21h. C'était Bienvenue chez Swan. Et alors écoutez aussi, parce que là je ne vais pas la mettre, mais écoutez la bande-annonce de cette année. J'essaie toujours d'être un petit peu original. Qui est particulièrement appréciable. Parce qu'elle est très drôle. Donc pour cela, il suffit d'écouter tout simplement, c'est pas longtemps, vous écoutez juste 24 heures dans la journée la radio, et vous tomberez à mon avis dessus. Et vous pouvez peut-être aussi l'écouter sur le www.fadjet.net et l'autopromo. Bienvenue chez Swan. Allez, on poursuit. Il est 8h30. Je promets à mes amis qui sont autour de la table, on arrivera à boucler toutes les chroniques de chacun aujourd'hui. Et on va refaire un tout petit point information avec toi, Magali. Et on démarre avec les infos régionales. Et Salah Abdeslam, terroriste présumé et suspecté d'avoir mitraillé cafés et restaurants parisiens le 13 novembre dernier, aurait été reconnu hier dans un rayon de l'hypermarché d'Auchan du boulevard Lobo à Nancy, à quelques centaines de mètres seulement de l'hôtel de police. Un intervenant extérieur à l'enseigne a cru le reconnaître et a alerté immédiatement les forces de l'ordre. Dans la foulée de son appel, au moins 30 policiers lourdement armés et équipés déboulaient dans et autour de la grande surface. Toutes les issues ont été sécurisées et l'entrée interdite au public. Le magasin a été évacué en douceur de sa clientèle vers midi et demi, tandis que l'ensemble des locaux était passé au peigne fin. À 14h15, Auchan Lobo accueillait à nouveau ses clients. La police va s'attacher à décortiquer l'enregistrement vidéo, même si un premier visionnage à chaud a permis d'infirmer la présence d'Abdeslam dans le magasin. Reste que le client susceptible de lui ressembler n'a pas encore été identifié. Lundi matin, la présence de Salah Abdeslam avait déjà été signalée dans une boulangerie à Dieulouard. Et puis les obsèques de Marie Mosser, la jeune Nancéenne de 24 ans tuée au Bataclan lors des attentats, seront célébrées lundi à 10h à la basilique du Sacré-Cœur à Nancy. Marie s'était installée à Paris après ses études dans la cité ducale, notamment au lycée Poincaré et au conservatoire de musique. Spécialisée en marketing digital, elle avait intégré le label Mercury Music Group. Le portrait de la jeune femme a fait le tour du monde. Les hommages ne se comptent plus sur les réseaux sociaux où elle symbolise une jeunesse fauchée pour son enthousiasme dans la vie. Et puis dans le reste de l'actualité, les otages de l'hôtel Radisson de Bamako ont vécu 9 heures d'angoisse ce vendredi 20 novembre. Une opération terroriste a débuté vers 7h du matin quand un groupe armé a fait irruption dans le bâtiment. 140 clients et 30 employés étaient à l'intérieur. L'armée malienne est intervenue vers 10h. Deux terroristes auraient été abattus et 22 otages auraient trouvé la mort. Un bilan encore provisoire et hier soir la traque continuait, d'autres complices pouvant encore potentiellement être à l'intérieur de l'hôtel où également certains pièges étaient susceptibles d'avoir été posés. Et puis l'attaque a été revendiquée par le groupe djihadiste Al-Mourabitoun lié à Al-Qaïda. Ce groupe demandait en échange de la libération des otages de l'hôtel que des combattants ayant été arrêtés ces derniers mois par les forces françaises et par l'armée malienne puissent sortir des prisons de Bamako. Et puis une question se pose en s'en prenant à un hôtel dont la clientèle est en majorité étrangère et notamment française. Les terroristes voulaient-ils à nouveau frapper la France encore une fois? Depuis 2013, des militaires français traquent les djihadistes dans le nord du Mali. 3000 hommes sont déployés au total et ces opérations sont un succès. Une centaine de chefs ont été capturés ou tués et des tonnes de munitions déjà saisies. Et puis on termine avec un mot de sport et en natation. Hier, lors de la deuxième journée des championnats de France en petit bassin à Angers, Mehdi Metella a remporté et conservé son deuxième titre en deux jours, s'imposant sur 100 mètres nage libre 24 heures après son titre sur 100 mètres papillon. En l'absence de Florent Manaudou qui a refusé de s'aligner sur l'épreuve après sa victoire décevante sur 50 mètres nage libre jeudi, Metella s'est imposé en 46-89. Camille Lacour s'est imposée sans grande surprise sur 50 mètres d'eau en 23-46. Coralie Balmy, elle, est sacrée sur le 800 mètres nage libre avec un chrono de 8 minutes 23 secondes et 76 centièmes, tandis que Mélanie Hennick a signé un nouveau record de France sur le 50 mètres papillon en signant un temps de 25-20. Alors, pour tout de suite avec la météo, Magali. Alors, la météo, eh bien, au programme, c'est du temps un petit peu morose et des températures très fraîches. Alors, aujourd'hui, l'air froid et humide s'engouffrera sur la région. Le ciel sera très nuageux avec de courtes éclaircies et surtout des giboulées qui se mêleront de pluie, de grésil, d'un peu de grêle et même de neige jusqu'en plaine. Une petite couche ne sera pas exclue ce soir sur les premières hauteurs, ce qui n'est pas étonnant parce que, eh bien, comme je vous le disais, donc, les températures se rafraîchissent. Aujourd'hui à Nancy, on ira de 4 à 5 degrés seulement. Et puis encore pas mal de giboulées dimanche, pouvant donner une petite couche au sol ici ou là le matin. Une accalmie pour le reste de la semaine se dessinera, notamment lundi et mardi, mais dans une ambiance bien froide. Nuages et gouttes reviendront dès mercredi sous une hausse du thermomètre. Mais avant de parler de hausse, eh bien, on va déjà devoir affronter dimanche et le début de semaine prochaine. À partir de lundi et mardi, on aura des températures négatives le matin, notamment moins 3 degrés sur Nancy le mardi. Et puis les températures en moyenne l'après-midi, elles ne dépassent pas les 3 à 4 degrés. Alors venez, profitez-en pour venir nous faire un petit coucou à Fadjet au 47 de la rue Charles III pour vous réchauffer tout simplement. C'est les 30 ans. Tu multiples films qu'ils vantent. Plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto, Fadjet 94.2. C'est toi ma radio. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Ah, tu le kiffes ce jingle. Hein. Ah, je le kiffe ce jingle. D'ailleurs, on ne fait pas de pause musicale. Allez, on arrête, on va une dernière ligne droite, on va faire les chroniques de tout le monde. On est ensemble jusqu'à 9h. Vous êtes à l'écoute de 94 de service, compris la matinale de Fadjet. Eh bien, on va faire la chronique de qui? Alors, on lève la main ici. Hein, on se Mag, tu viens de parler aussi. Hein, ah, on va laisser mais vu que j'ai dit des infos tristes, je voulais vous parler d'infos joyeuses. Alors, vas-y, en fait. Parle-nous des infos joyeuses. Bah oui, parce que bon, c'est vrai que l'actualité dernièrement, bon, on a beaucoup parlé des attentats. Bon, c'est pas trop pour nous remonter le moral, mais alors moi j'ai trouvé des petites infos et qui montrent que tout n'est pas perdu, qu'il se passe encore des bonnes choses. Alors par exemple, en Irlande, il y a eu le premier mariage homosexuel, parce que ça y est, les homosexuels en Irlande ont maintenant le droit de se marier, donc voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dernier cas connu d'Ebola en Guinée qui était déclaré est guéri. C'était une petite fille de 3 semaines dont la mère était morte, qui a été officiellement déclarée guérie en début de semaine. Donc c'est une très bonne nouvelle aussi. Vu qu'on est en période de COP21, eh bien à savoir que Londres arrête ses centrales au charbon les plus polluantes d'ici 2025. Très bonne décision aussi. Les chimpanzés ne seront plus des cobayes. En tout cas, ils ne serviront plus à la recherche gouvernementale aux États-Unis. C'est bien ça. Bon, aussi. Ça nous fait des petites choses positives quand même, mais c'est oui, vrai. Mais oui. Donc c'est terminé. T'as plus... Sinon, on danse dans les studios, donc n'hésitez pas à nous regarder au niveau de la webcam. Alors c'est du saccadé, hein. c'est du débit pas hyper rapide, mais vous pouvez quand même nous voir. Enfin, vous voyez exclusivement les chroniqueurs du studio. Vous pouvez leur faire un petit coucou. On en voit qu'un seul pour le moment. C'est que toi. Non, c'est pas que moi. Ah mince, donc du coup. On voit que le garçon dans le studio. Ah, on voit que Florian. D'accord. Fou, mince. Du coup, voilà, on mettra nos têtes tout à l'heure. Allez, on va se faire une petite pause musicale tout de même avec Stereophonics. I wanna get lost with you. Allez, on est ensemble encore pour une vingtaine de minutes. Il y a encore pas mal de choses à faire et à dire, j'espère. Told me your name. Écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2. Oui, écoutez, Fadjet, on le raid sur 94.2, il est 8h40, on est encore ensemble pour 20 minutes, c'est la matinale de Fadjet, et donc on va refaire un petit peu les pourquoi ou les simples comme bonjour de Mona. C'est simple comme bonjour. Alors Mona nous pose une colle, et puis on doit y répondre ou pas, mais elle au moins, elle y répond. Voilà, pourquoi décore-t-on le sapin de Noël avec des boules? Ah, je savais. Ah, je sais. Ah, vas-y. Parce qu'avant, c'était des pommes. Oui, c'est ça. C'était surtout des offrandes qui étaient faites aux dieux à l'origine. Mais dans l'Est, on mettait des fleurs et des pommes. Et après, en 1858... Parle devant le micro, Mona, parce qu'on ne t'entend pas. En 1858, il y a eu une grande sécheresse. Et alors, donc, ça a beaucoup compromis la récolte des fruits. Et là, il y a eu un souffleur de verre mosellan qui a eu l'idée de souffler des boules en verre. Et c'est pour ça qu'après, ça s'est répandu dans toute l'Europe au départ, et puis après, dans le monde entier. D'accord. Et bon bah ok, moi je le savais mais je le savais plus en fait. Je savais qu'il y avait un truc comme ça. Est-ce que t'en as un autre de petit? Oui. Pourquoi? Pourquoi dit-on mort aux vaches pour insulter la police? Aux vaches? Parce qu'ils sont vaches de nous mettre des c'est PV. C'est que pour la police? Bah pour l'instant oui, pour les forces de l'ordre quoi en fait. Hein. D'accord, je sais pas. Hein. Mort aux vaches, bon, oui. Alors... Eh bien parce que c'est aussi notre région comme les boules de Noël. Après l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine après la guerre de 70, les Allemands avaient installé des guérites de garde-frontière. Alors ces guérites portaient la mention Wache, ce qui signifie garde en allemand et qui se prononce vache en français. Et donc les Français de la région qui n'avaient pas digéré l'annexion insultaient les Allemands de mort, d'un mort aux vaches. D'accord. Et puis cette insulte a ensuite été généralisée à toutes les forces de l'ordre et est devenue un slogan anarchiste. Alors qu'en fait c'était un mouvement patriotique, c'était mort aux vaches, c'était pour lutter contre les Allemands qui avaient envahi notre pays. Donc on détourne pas des expressions comme ça puis on fait ce qu'on en veut, c'est ça. C'est ça que tu déclines. C'est le Rhin surtout. Ah bon? Bah oui. Bah oui, c'est vrai que c'est le Rhin. Bon, bah c'est plutôt... Tu nous apportes des informations. Alors toi, Mona, donc tu es là depuis cette année. Oui. Tu as aussi une émission qui s'appelle « Vous m'en lirez tant ». Voilà, c'est ça où je reçois un auteur de la région pendant une demi-heure. Voilà. Tu reçois un auteur de la région pendant une demi-heure. Oui. Et c'est quel jour de la semaine? C'est le vendredi de 18h à 18h30, deux fois par mois. Il y a une réécoute possible? Oui, il y a une réécoute le dimanche matin. Et puis il y a aussi l'émission en podcast, effectivement. Et puis je le fais aussi sur la page Facebook. Alors c'est ça aussi les animateurs chroniqueurs de la matinale. C'est que souvent on vient au départ à la radio par la matinale, c'est ce qui arrive. C'est l'inverse. C'est l'exception qui ne confirme pas la règle. Et donc tu es venu à la radio. Donc pour faire ton émission, oui. Et après tu t'es intéressé à la matinale, mais effectivement on m'avait demandé à l'origine. On t'avait demandé. J'ai dit oui. T'as dit oui. Puis je me plais bien. Puis tu t'y plais bien. Et du coup toi donc tu es le mercredi avec une petite chronique humoristique, on peut l'appeler voilà, ainsi. C'est ça, oui. Un billet d'humeur, quelque chose voilà que tu fais chaque semaine dans l'équipe du mercredi avec Julien, Sophie, on leur fait un coucou aussi, oui. Et Abdennour. Et donc en l'occurrence, souvent c'est vrai que c'est ce que je disais, on vient par la matinale pour s'exercer parce qu'on commence souvent par la météo, voilà, c'est la chose qu'on fait en premier. C'est vrai que souvent on commence par la météo quand quelqu'un ne sait pas, voilà, il lit, il essaye de faire un petit truc sur la météo, puis après, bah, de fil en aiguille, on fait d'autres choses. Le journalisme est encore une particularité, encore un ton bien précis. Hein. Ah oui, c'est autre c'est chose. C'est plus compliqué. C'est oui. plus compliqué. La chronique, c'est différent. Voilà, c'est ça la matinale. C'est tous les jours de 7h à 8h30 du lundi au vendredi par contre. Donc n'hésitez pas à nous écouter, ça nous fera plaisir et à réagir sur les réseaux sociaux. Et donc une qui en fait partie, c'est notamment Chloé. Et Chloé, tu vas nous faire un insolite, toi. Ouais, faut pas dire ouais, il paraît. Tu peux dire ouais. Moi, je dis ouais, moi. On est samedi matin, tu peux samedi, dire ouais, hein, c'est la ouais. cool. Allez, j'ai trois insolites. Comme c'est les 30 ans, j'ai décidé de faire autour des 30. Ouais. Le premier insolite, c'est autour de 30 kilos. Alors attention, accrochez-vous, hein. je ne me censure pas, moi. D'accord. Et 30 kilos, c'est le poids de la poitrine d'une femme qui, en 2010, a failli étouffer son compagnon. Oh non. Alors qu'ils étaient en plein préliminaire, l'homme compressé entre les seins de son amie commence à s'agiter frénétiquement avant de ne plus bouger. Paniqué, elle appelle les secours. Heureusement, plus de peur que de mal, son petit ami reprend ses esprits quelques minutes plus tard. Alors, normalement, voilà, on va faire un débat de fond hein, ça ce matin. Je savais que le sujet te plairait. Oui, le sujet me plairait. 30 kilos. Parce 30 kilos, ça fait du 105 cul. Voilà. En plus. C'est incroyable, ça. Je ne m'imagine absolument pas. Donc, c'est les deux en même temps. Non, c'est enfin oui, un sein de 30 kilos, non, parce que c'est un enfant de 17 ans qui avait le poids d'un enfant dans les seins. C'est horrible. Et parce qu'en règle générale, ça fait quoi, 2 kilos, 1 kilo, 2 kilos? J'en ai absolument aucune idée, mais pas 15 kilos. Mais c'est pas possible. Elle avait du plomb dedans. C'est pas, non, mais, c'est pas celle qui pétait des. J'ai vu aussi pareil. Je pense qu'elle peut. Bon, 3 ans plus tard, elle a fait savoir à des médias anglais que elle allait se faire une réduction. Mammaire parce que c'était quand même beaucoup trop. Puis elle a quand même failli tuer son. Qui au départ devait être très content. Il s'est dit bah voilà, ouais. ma femme a une belle poitrine. Et puis en fait, il a failli mourir avec cette connerie, quoi. 15 kilos chacun avec le poids de la gravité. Et puis alors, elle, pour son dos, ça doit pencher. Son dos, c'est pas possible. Ouais, elle doit avoir des problèmes de dos terribles. Elle marche en ayant le nez qui racle par terre. C'est pas possible autrement, quoi. Et donc voilà, bon bah ok, une autre. On enchaîne avec ma deuxième insolite. C'est 30 euros cette fois. Si les coupures de 5, 10, 20, 50, 100, 500 euros sont bien en circulation en Europe, celles de 30, non. Et pourtant, en Allemagne, un homme a réussi à payer ses courses avec un billet de 30 euros. La caissière, probablement peu attentive, lui a même rendu la monnaie sans s'apercevoir de la supercherie jusqu'au soir lorsqu'elle fait ses comptes. Elle a ensuite appelé les autorités locales qui ont retrouvé quelques heures plus tard l'homme, âgé d'une 40aine d'années. Pour sa défense, il dit avoir trouvé le billet par terre. Bien sûr. Voilà. Et on termine avec 30 ans, parce que 30 ans, c'est l'anniversaire de Fadjet. Et c'est rajeunir de 30 ans que proposent des scientifiques. Et attention, c'est pas la plus grosse info, c'est surtout à cause du chocolat. Voilà, on peut maigrir avec du chocolat. C'est merveilleux. Hein. C'est grâce à une forte teneur en magnésium et en tryptophane, aussi appelé acide aminé essentiel, précurseur de la sérotonine et surtout antidépresseur naturel, mais pas seulement, selon la compagnie Lycotech, pardon. C'est des chercheurs de l'université de Cambridge qui ont trouvé que le chocolat pouvait faire rajeunir. Et donc, ils ont inventé une tablette de chocolat qui, dans chaque carré, présente l'équivalent d'une tablette complète que nous, on mange tous les jours et qui peut faire rajeunir de 30 ans. Mais ça ne fait pas foncièrement grossir, oui. le chocolat noir. Ça fait pas forcément grossir. Si t'en manges 3 kilos par jour, si. Parce qu'il y a trois types de chocolat, le noir et le blanc et le au lait. On devrait pas l'appeler chocolat. Ouais. C'est le vrai, c'est le noir pour le cacao. Le blanc devrait, parce que j'avais fait, on était allé visiter avec des ados à Nancy, la chocolaterie Bat. Et donc, ils disaient que c'est moins vendeur, effectivement, que le chocolat blanc devrait s'appeler pâte graisseuse. Ouais. Oui, parce que c'est le gras du cacao. C'est vrai. Un bon galac, ça fait pas de mal. Hein. Ah ouais. Une bonne dose de sucre, tu tomberais de diabète juste derrière. Et oui, Swan ? Non, pendant ces 30 heures, on a passé des interviews de personnalités. Ouais. Et je me souviens qu'il y a eu une interview de Sœur Emmanuelle qui disait que le carré de chocolat, c'était son remontant. Quand elle était un peu fatiguée, elle prenait un coup de chocolat et elle repartait. Et voilà, c'est parti pour 2 heures. Nous ici, c'est le café un petit peu. Pas pour tout le monde. Oui, les croissants. Mercredi, je vais penser à amener du chocolat. Oui, voilà. Alors, c'est vrai qu'on n'amène jamais de chocolat au café le matin. Et on essaye aussi, parce que c'est un moment convivial où on se retrouve. C'est aussi ça la particularité de Fadjet. C'est que, après la matinale, autant que possible, parce que les gens aussi et les chroniqueurs retrouvent leur vie active, on se retrouve en bas, dans la salle, la cantine, la salle de repas du premier étage du rez-de-chaussée de Fadjet pour prendre le café ensemble et justement débriefer, discuter. Ça s'anime souvent et c'est ça aussi, je tenais à le préciser ce matin. La matinale de Fadjet, c'est aussi de la convivialité entre les équipes. Allez, on va faire une petite pause musicale. On ne se résilie pas, mais lui peut-être, c'est la résiliation. On est encore là pour quelques heures déjà, jusque 15 heures. Ça fait combien d'heures? Je ne sais pas, pas mal. On en est à la 23e heure, donc il en reste 7. Et nous, il nous reste 10 minutes dans notre émission. C'est Ben Mazu. Et on se retrouve juste après ça pour terminer. 94.2, service compris. Chevillé, à nous pourrir la vie, chacun de son côté. À questionner ce choix, celui d'être parti et de s'être quitté. Comme si c'était pas assez dur de se séparer, de changer d'existence. D'accepter de renoncer à l'éternalité de notre co-résidence. Tous les moments, tous les endroits s'offriront l'écho de notre histoire aussi, nous rappellerons une anecdote et viendront à l'envie déclencher un auto-tsunami. Il nous restera les dossiers à fermer, le quotidien à clôturer, les peurs qu'il faudra ceinturer, l'appartement, les assurances, la paperasse à la con. Il faudra tuer notre histoire à chaque résiliation, cette obsession amère, cette souffrance continue, cet appétit désert, le monde qu'on regarde par-dessus. Tantôt on vole, tantôt on chute, souvent on chute, la tête en bas. Au bout de quelques mois, il nous restera ça. Passeront, la souffrance sera moins vive, parfois même gageons que certains disent qu'elle disparaîtra. On repensera aux vacances, aux beaux endroits, le sourire naissant, on se rappellera certains jolis ébats. Il y aura encore ça et là de notre vie commune, ce lit, ce canapé, cette lampe, l'une, un stylo survivant, à l'origine à toi, devenu avec le temps un marqueur de nous. Là, au bout d'une année ou deux, il nous restera les souvenirs intacts qu'on évoque sans haine, et puis quelques objets qui trahissent naïvement mais sans causer de peine. Au bout de ce temps-là, il nous restera ça. La résiliation sur Fadjet. Fadjet. À Nancy. Sur 94.2. Allez, vous êtes à l'écoute de 94 de service compris, la matinale de Fadjet. On poursuit la matinée ensemble, enfin le début de matinée, on est ensemble depuis 7 heures. Nous entamons tout simplement, nous finissons la 23e heure. Oui, c'est ça, la 23e heure, il en reste 7. Après l'émission qui nous suit, c'est Sentez-vous bien. Il est déjà là dans les studios, il se sent parfaitement bien, il sourit. Il doit être un petit peu plus en forme que nous, parce qu'on est là depuis assez tôt ce matin. Et on va poursuivre pour les 8 minutes qui nous restent avec toi, Swan. Et donc toi, tu vas nous faire une rétrospective musicale de l'année 85. Et pour vous parler des titres les plus marquants de 85, je me suis référé à un outil tout nouveau pour l'époque, le Top 50. Et oui, parce que celui-ci a été créé à la télé le 4 novembre 1984, donc c'était tout récent. Et à la tête se sont succédés des artistes aussi divers que Stone et Chardin, Stevie Wonder ou encore Mylène Farmer qui fait ses grands débuts. Mais en ce début de janvier 1985, celui qui est assis sur le trône du Top 50, c'est... Ray Parker Jr. avec la bande originale du film Ghostbusters. Elle est absolument géniale cette musique. Oui, et puis le film aussi d'ailleurs. Et le film aussi. Ouais. Et bien celui qui le remplacera sur au top du top 50, et bien ce sera le frère du roi de la pop, Jermaine Jackson, en duo avec Piazzadora pour une chanson au clip ultra kitsch que je ne saurais trop vous conseiller de regarder parce que c'est une barre de rire. Alors d'ailleurs, Jermaine Jackson qui est complètement lifté, il a le nez dans le dos maintenant, c'est... le nez dans le dos. Ah non, mais, vous, non, mais il est, j'avais revu la dernière, il est tout lisse, une piste de ski. Et le morceau, c'est When the Rain Begins to Fall. Ça fait très Véronique et Davina comme ça. On a envie de faire des mouvements de gymnastique. On est bien d'accord. Ah, ça rappelle des souvenirs. Eh oui, et au mois de juin 1985, la solidarité est au top 50 et avec successivement We Are the World regroupant les plus grands artistes américains, remplacé quelques semaines plus tard par Éthiopie regroupant plusieurs stars françaises. C'est génial, c'était pour moi, j'adore. Oui, bien sûr. C'était la grande solidarité musicale, donc. Et puis viendra l'été, et là tout le monde dansera au son de. Ah. Opus. Life is Live. Qui avait été repris aussi pendant la Coupe du Monde, je crois. C'est pas Gloria Gaynor pendant la Coupe du Monde. Oui, ah oui. mais ça a été repris, ou la Coupe du Monde de rugby, je ne sais pas, mais ça a été repris. Ah, cette chanson, c'est une de mes préférées en fait. Celle-ci? Ah ouais, elle me met la patate, je sais pas. Pour moi, c'est l'incontournable des soirées en fait. Les mecs, le titre est quand même simple. La vie, c'est la vie. Ouais. Voilà pour Opus, donc ça c'était le tube de l'été 85. Et l'année se terminera comme elle a commencé, puisqu'elle avait commencé avec un duo entre Jermaine Jackson et Piazza Dora. Et bien là ce sera encore un duo chanté à la fois en français et en anglais. Ce sera Jean-Jacques Goldman et Michael Jones avec Je te donne. Bon, on va s'écouter ce petit titre-là quelques instants. Et on se retrouve pour la dernière ligne droite. Il nous reste que quelques minutes pour passer le flambeau. Vous êtes à l'écoute de Service Compris 30 ans Fadjet. Mais si, on sera des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. C'était Jean-Jacques Goldman, Je te donne sur Fadjet. Qui bluffe, qui bêche, qui vente. Plus besoin que je t'invente. À pied, à cheval, en auto. Fadjet, 94.2. C'est toi ma radio. Il fallait quand même finir avec ce jingle. Il fallait clôturer la boucle, mes amis. En tout cas, je suis très heureux d'avoir fait cette matinale avec vous ce matin. On a passé un bon moment. Pendant deux heures, on a essayé de combler les deux années, la 2007 et 2008. Maintenant, on passe à l'année 2009 avec Sentez-vous bien qui prend le relais. Il reste encore la dernière ligne droite jusqu'à 15 heures. Et après, on pourra manger du cake. Ouais. En buvant du jus d'orange. Vous êtes contents. Ouais. Hein. Ce matin, il y avait Mag qu'on retrouve vendredi prochain aux informations matinale. Dans l'équipe donc, du vendredi de Davy. Il y avait aussi Nico. Swan, excuse-moi. C'est là, oui. Et c'est mardi toi, matin. En ce qui te concerne, et l'émission mercredi. Florian qui est venu nous faire un petit coucou. Oui. Merci à toi. Peut-être que tu reviendras, hein, pourquoi pas. En tout cas, je sais que tu nous suis sur les réseaux sociaux. Oui. Et ça nous fait plaisir. Oui. Et il y avait aussi Mona ce matin. Oui. Ben, on te retrouve mercredi avec ton petit billet d'humeur habituel. Et Chloé. Oui, et Chloé, à mardi. Qu'on retrouve mardi. Alors, mardi. Pour ne pas citer tous les autres, on vous fait un gros bisou aussi. Donc, on est une vingtaine. On se retrouve dès lundi, 7h, sur les ondes de Fadjet. Bonne fin d'anniversaire à tous. Allez, on fait un petit 3, 2, 1. Joyeux anniversaire. Voilà, hein, c'était la matinale. Restez à l'écoute. On est ensemble encore jusque 15h. À bientôt. Ciao, ciao.